la prise de contact avec soi. Aujourd'hui, pour nous en parler, je suis en contact avec Olivier, qui est un coach en matière de performance et de régénération. Alors, bonjour Olivier. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Donc, c'est un plaisir pour moi de discuter avec toi. Et toi, par rapport au coaching que tu offres, est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails par rapport à cela? Ben oui, bien sûr, dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est relativement simple par différents moyens, soit par le mouvement, l'exercice physique, explorer différents mouvements qui permettent de prendre de plus en plus contact avec le système nerveux, puis de faire de moins en moins d'efforts par le mouvement. Ça permet les gens de rentrer de plus en plus en contact avec eux-mêmes. Par la suite, je regarde avec eux autres à parler de toutes sortes de choses qui peuvent les affecter au niveau de la vie quotidienne, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique, psychique, qui pourraient les affecter. Puis j'essaie d'utiliser des outils qui sont très concrets, très simples, qui sont à la portée de tout le monde, qui ne coûtent rien. C'est vraiment des outils qui ne coûtent absolument rien, qui permettent de stabiliser les émotions, l'énergie de la personne, puis la remettre en contact avec elle-même, puis avec sa direction qu'elle a besoin de suivre. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que les personnes étant troublées physiquement, leur corps est pollué avec toutes sortes d'aliments malsains, des toxines, des éléments qui gardent le corps très dense, très, très pesant, très inaccessible à être libre. Ben, en travaillant avec l'alimentation, la respiration, le mouvement conscient, ben, éventuellement, on est capable de prendre un individu puis l'amener en contact avec cette partie-là d'elle-même qui fait très peu d'efforts, mais qui fonctionne très, très efficace. Mais justement, je vais t'interrompre un instant. Vas-y. Avant d'en venir à cette prise de contact avec ça, juste pour clarifier les choses, étant donné que présentement, on effectue un enregistrement qui est diffusé sur Internet et des gens un peu partout à l'international pourront écouter l'enregistrement. Juste pour clarifier, le public auquel tu t'adresses, est-ce que c'est des gens partout dans le monde ou c'est plus spécifiquement au Québec où tu résides sur le plan physique? C'est sûr que je travaille plus avec les gens en personne parce que c'est un contact qui est le contact de moi avec l'individu est extrêmement nécessaire pour permettre à la personne de s'améliorer, mais peut-être que dans un futur, éventuellement, je travaillerai, je voyagerai dans d'autres places, puis j'amènerai ces techniques-là qui sont absolument rien de nouveau. Je ne suis pas un innovateur, mais je réalise, par exemple, que des techniques, autant des techniques nouvelles que des techniques anciennes peuvent être très utiles pour pas mal n'importe qui présentement, qui souffre, mais surtout qui est écœuré et vraiment profondément tanné de souffrir, puis qui cherche des outils pour pouvoir désespérément sortir de cette place-là, qui sont profondément plus capables. OK, mais à ce moment-là, donc les gens à l'international pourront prendre connaissance de l'information que tu véhicules. Bien sûr. Mais pour ce qui est d'un coaching individuel, c'est plus à ce moment-là, si je comprends bien, aux gens là, qui résident ben, là, écoute, à Québec là, ou dans les environs. Là. Écoute, c'est sûr que si la personne elle m'écoute sur cet enregistrement-là, puis qu'elle sent une certaine vibration qui passe, puis qu'elle dit hey, « moi, j'aimerais ça parler avec ce gars-là, ça m'aiderait », ben moi, je vais être ouvert à parler avec absolument n'importe qui, dans n'importe quelle culture, religion, race, n'importe quoi. Donc, tu L'humain, pourrais pour donner moi, du c'est le contact coup. avec n'importe quel être OK. humain qui prend connaissance de ça, que ce soit par parole ou par contact direct, ça n'a pas d'importance, là. L'important, c'est que ça fonctionne pour la personne. OK, donc à ce moment-là, tu pourrais prendre des commentaires par courriel ou tu pourrais même discuter avec des gens, là, j'imagine, sur le réseau Skype. Exactement, sans aucun problème. Puis à ce moment-là, tu pourrais faire du coaching à distance? OK. Ouais, c'est quelque chose qui est très, très réalisable. C'est sûr que d'avoir quelqu'un qui te montre les mouvements puis la technique de respiration en personne, souvent pour les gens qui sont moins du type autodidacte, ça peut être très bénéfique. Par contre, il y a des gens qui ont juste besoin de trouver une certaine écoute, puis une certaine connexion, puis que la personne, elle vienne de France ou de Suisse ou de n'importe quel autre pays, puis qu'elle entend ça, puis elle dit hey, « moi, j'ai goût de parler avec toi, j'ai goût d'échanger », ben moi, je vais échanger avec cette personne-là avec grand plaisir. Excellent. Donc, à ce moment-là, quelles sont tes coordonnées? Ben moi, on peut me contacter par courriel à opoulin, donc opoulin, point pt, donc pt comme papa tango, à commercial gmail.com. Puis à partir de ce moment-là, une fois qu'on se sera communiqué par courriel, ben on sera capable de rentrer en contact par d'autres moyens comme le téléphone ou le Skype. Puis sinon, ben, tu avais également un site web. Oui, www.olivier-poulain.com pour avoir un peu plus d'informations sur les méthodes puis les techniques. Puis il y a des vidéos qui peuvent être aussi instructives sur ma page par rapport à certaines pratiques de mouvement qui peuvent être incorporées dans la vie de tous les jours. Très simple à utiliser, très peu coûteux en énergie, puis qui donne une certaine qualité de calme intérieur, puis d'énergie vitale, de concentration, puis de capacité à continuer sa journée, puis faire les bons choix. Excellent. Alors, à présent, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la prise de contact avec soi. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'est pour toi cette prise de contact? La prise de contact avec soi, c'est de trouver premièrement d'être à l'étude des patterns qu'on observe dans notre conscience, que ce soit au niveau conscient ou subconscient. Si on est capable d'avoir certains accès à notre mental subconscient, on est capable de voir certains patterns, certaines répétitions. Puis éventuellement, on essaye de voir qu'est-ce qui est nous dans cette. Puis qu'est-ce qui n'est pas nous. Donc, pis ça, c'est pas quelque chose qui peut être su psychologiquement ou intellectuellement, c'est quelque chose qui doit être vécu expérientiellement. Donc, par la pratique du souffle, par la pratique du mouvement, en purifiant son alimentation, en mangeant pas nécessairement ce qui est bon selon telle ou telle personne, mais de trouver l'harmonie que notre corps a avec les aliments, puis de lui donner qu'est-ce qu'il a de besoin. Mais on est de plus en plus dans un certain vide, un certain silence intérieur pour être capable de discerner que nous, on est ce silence-là, on est cette source d'énergie-là qui nous dynamise, qui permet de pouvoir tout faire, puis de tout perfectionner, puis de constamment être dans un mode d'évolution, puis d'étude de soi. Donc, plus notre fréquence est sur ce tuning-là qui est nous, notre partie intelligente, on pourrait appeler le double ou n'importe quelle forme de mots qu'on veut utiliser, nous donne accès à les réponses. Fait qu'au lieu d'avoir toujours des questions, mais on a des réponses. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller voir ailleurs, puis de dire, moi, je vais voir un gourou, puis lui, il m'a dit ça, puis lui, il a fait ça. On est capable d'être très, très à l'écoute de notre environnement, l'étudier. D'abord, s'étudier soi en relation avec l'environnement pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est nous, puis qu'est-ce qui appartient aux autres, puis qu'est-ce qu'on devrait prendre sur nous. Puis ça, plus on est en contact avec notre corps, puis avec notre souffle, éventuellement, ce qui arrive, c'est que plus le corps se devient détendu, puis détendu, puis détendu, plus on est en contact avec notre colonne vertébrale. On sent le support de la colonne, puis on peut tranquillement, pas vite, sentir l'électricité, l'influx nerveux qui circule dans notre corps. Puis plus on est en contact avec ça, plus on a accès instantané à de l'information qui est extrêmement utile pour le moment présent. Donc, si on arrive à l'épicerie, puis on a besoin d'acheter des pommes, ou on ça, puis là, mon coach m'a dit que je devrais prendre des citrons pour déjeuner, puis ça. Mais là, tu n'as plus besoin de ça parce que tu vas dans l'épicerie, puis tu regardes, tu fais juste observer ton environnement, puis ça te dit, prends ça, ça, ça, ça, ça, ça, puis ça. Puis là, tu te fais des jus de légumes, tu manges le plus léger possible, tu peux faire des jeûnes, tu sais, différentes techniques qui peuvent être étudiées à différents niveaux Mais de où est-ce que je la t'arrête personne est un rendue. instant, Olivier. Qu'est-ce qui te dit justement de, par exemple, quand tu vas à l'épicerie, prendre telle pomme plutôt que telle autre? C'est quoi cet aspect-là de nous-mêmes qui va dire ça? C'est pas des phrases que tu entends dans ta tête qui disent mange cette pomme-là, va manger un gâteau. C'est très intuitif. C'est quelque chose qui se passe au niveau du plexus solaire dans la région du cœur. Puis tu regardes le fruit, puis tu le mets dans tes mains, puis tu as un contact avec. Puis c'est comme si tu étais capable de lire le fruit, puis ça te dit bon, mais ce fruit-là, il est mûr. Tu le touches, tu le sens, tu le ressens, tu dis ça, c'est bon pour moi, tu le prends. C'est le corps qui. Tu demandes au corps, tu demandes à cette énergie-là de te dire est-ce que le fruit est bon? Puis là, toi, tu la contre-vérifies, tu l'observes. Ben oui, regarde, il est beau, il est mûr, il sent bon, je le prends. Puis tranquillement, pas vite, ça se construit, puis ça se construit, puis ça se construit, puis éventuellement, ça devient de plus en plus instantané. De moins en moins besoin de. L'ego, il a moins en bas besoin d'observer à savoir si, bon, hein, je devrais-tu prendre ce fruit-là? Tu le sens. Fait que là, tu fais ton épicerie. Ouais. Puis là, tranquillement, pas vite, toi, tu te dis, bon, ben moi, on dirait que j'ai moins besoin de manger de viande. Tu manges moins de viande, tu manges plus de quelque chose d'autre. Puis à un moment donné, tu reprends un petit peu la viande, tu élimines la viande. Et puis, jamais, t'es pas végétarien, paléo ou aucune de ces sectes alimentaires-là. T'es juste, toi, qu'est-ce que ton corps a besoin à ce moment-là? Comme certaines personnes qui ont vécu des traumatismes. Moi, d'ailleurs, quand j'ai eu mon accident, il y a eu des pauses, je mangeais des boîtes de Pops au complet. Puis tout le monde m'aurait dit, hey, toi, t'es coach, t'es pas supposé manger des Pops. Mais mon corps, il avait besoin de ça pour sortir tranquillement, pas vite, passer à travers ce choc-là d'accident qui a failli me coûter la vie. Puis ça a été des Pops pendant 3-4 jours. Puis après ça, Ben, c'était fini. Puis là, c'est quelque chose d'autre. justement, pendant que tu fais allusion à l'accident, Ouais. est-ce que tu peux donner un peu plus de détails pour les gens qui t'entendent pour la première fois, pour qu'ils sachent à quoi tu fais référence? Oui, je peux parler de cette histoire-là. Je vais faire un bref résumé quand même. Dans le fond, moi, à l'été 31 juillet l'année passée, j'étais en haut d'une falaise, puis j'ai déboulé en bas de la falaise, d'une falaise de 40 pieds dans une chute d'eau. J'ai repris conscience dans la chute d'eau, malgré le crâne brisé à 12 places différentes, avec des morceaux d'os dans la dure mer, puis une hémorragie interne dans la boîte crânienne. Quand j'ai réalisé que le corps, la vie fondamentale de l'être vivant qui nous habite, ça veut désespérément vivre, puis ça veut désespérément évoluer, puis ça veut jamais, jamais, jamais abandonner. Ça ne peut pas abandonner parce que ça a une force qui est absolument inouïe. Puis c'est cette force-là qui m'a ramené à la vie, c'est cette force-là qui m'a permis de pouvoir me sortir de cette place-là, d'être sauvé par des gens qui étaient sur les lieux. Les ambulanciers, puis tout ça, puis de passer à travers cette expérience-là qui m'a coûté 3 chirurgies, qui m'a laissé hospitalisé pour un total d'à peu près 1 mois et demi, avec plusieurs médications, des intraveineux, puis tout. Puis à chaque épreuve, entre chaque chirurgie, j'ai toujours repris graduellement la force pour être capable de continuer à vivre, puis de dépasser ça. Puis c'est vraiment une expérience initiatique qui a été extrêmement importante, qui m'a permis de vraiment réaliser que la force de l'homme est absolument phénoménale. Puis c'est pas la force de moi ou la force de toi ou la force de monsieur, madame, tout le monde, c'est la force de tous les hommes, de tous les êtres humains. Puis tant et aussi longtemps que les gens travaillent pas dans cette direction-là, de prendre contact avec ça, puis de tranquillement, pas vite, s'harmoniser avec cette force-là qu'on a en nous. C'est très difficile pour les gens de trouver la paix, puis le bonheur, puis le bien-être, parce que ils sont toujours à la recherche constamment de leur identité qu'ils peuvent jamais cerner complètement dans le monde extérieur, qui doit fondamentalement être découverte dans son monde intérieur, ou dans son cœur, ou dans ses centres d'énergie, comment je pourrais dire, parce que c'est vraiment ça éventuellement. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'accident que tu as connu a engendré une très grande forme de charge énergétique, qui t'a, amené une transformation interne? Définitivement. Par contre, j'ai vécu des expériences dans le passé initiatiques d'envergure assez élevée aussi. Donc, quand je suis arrivé dans cette expérience-là qui était très, très extrême due au traumatisme, le physique que j'ai vécu, mon système nerveux a pris une charge absolument phénoménale d'énergie, de survie, mais pas une survie animale de peur, une espèce de dévotion là, profonde dans mon cœur qui me permettait de savoir que tous les obstacles qu'elle avait mis devant moi, j'allais être capable d'y faire face. Parce que c'est moi qui avais créé tous ces événements-là pour me rendre où ce que je suis dans mon évolution. Fait que je les ai accueillis avec le cœur ouvert, puis avec une grande, grande présence. Puis c'est ça qui m'a permis en tout cas de passer à travers ce traumatisme-là, puis d'en laisser que des séquelles positives dans le fond, parce que toute l'information, tous les apprentissages que j'avais eu à apprendre, je les ai absorbés, je les ai intégrés, puis ça me permet d'être qui je suis, puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Donc, à travers cette épreuve-là, ça t'a amené à davantage te définir. Exactement. Trouver vraiment c'est qui suis-je. Quand tu es sur un lit d'hôpital, puis tu as toute ta famille qui est autour de toi, puis qui te regarde, puis qui te tienne la main, puis que tu réalises que tu es profondément seul, qu'il n'y a personne qui peut te sauver, puis que la seule présence qui existe réellement, c'est ta présence. C'est la présence de cette énergie-là, de la vie fondamentale, là, le flux créatif qui te maintient en vie, puis c'est de l'amour. Plus t'es proche de mourir, plus il y a de l'amour que tu peux rentrer en contact. Mais souvent, ce que je réalise, c'est qu'il y a des gens qui ont terriblement peur de cette puissance-là, que ça crée un blocage, puis ce blocage-là crée encore plus de souffrance, puis éventuellement, le corps, plus il devient bloqué, de traumatisme. Ben, c'est ça que moi, un peu, je fais dans ma business, c'est que j'aide des gens à détendre leur musculature, de relâcher le fascia, qui est un petit peu la matrice qui tient toute la peau, le gras, le squelette, les organes, tout, c'est comme l'espèce de tissu conjonctif qui tient tout. Le fascia, c'est la matrice qui tient tout ton corps, dans le fond, ensemble. C'est très plastique, ça enregistre l'information. Fait que si, mettons, quelqu'un te donne un coup de pied, là, sur le tibia, là, Oui. ben, les muscles puis le fascia dans cette région-là va devenir très tendu. Mais si la personne n'a pas la capacité de tendre le fascia puis de le relâcher, donc contracter le muscle puis de le relâcher instantanément, ben, ce qui arrive, c'est que le traumatisme gèle la personne, ça crée un haut niveau de stress, puis au lieu que la personne elle soit capable de diffuser, de se calmer en respirant, puis en apprenant à se centrer, le trauma, il reste enregistré dans le corps. Puis plus il y a des traumas qui sont enregistrés dans le corps, plus la personne, son énergie, sa bioélectricité, l'électricité qui est produite par le système nerveux central, peut plus se rendre dans les tissus, peut plus se rendre dans les organes vitaux. Fait que tranquillement, pas vite, le corps commence à mourir, commence à devenir malade. Il n'y a plus sa potentialité énergétique pour fonctionner à son plein potentiel parce qu'il y a trop de blocages. Puis ces blocages-là, ils peuvent se faire au niveau physique, peuvent se faire au niveau psychologique, peuvent se faire au niveau psychique. T'sais, ça inclut l'émotion, bien sûr. Quelqu'un qui n'est pas capable de vivre une émotion, puis de l'exprimer intelligemment, puis la laisser sortir, puis la laisser passer, ça crée un blocage. Quelqu'un qui veut s'exprimer, puis veut dire quelque chose, ça crée un blocage s'il le fait pas. Fait que tranquillement, pas vite, plus les gens deviennent bloqués, moins ils ont accès à pouvoir avoir de la vitalité, de l'énergie, vivre dans des hauts niveaux de stress, des hauts niveaux de tension, des hauts niveaux de colère. Puis éventuellement, ben, il y a des gens qui abandonnent, qui voient pas d'issue à ça, parce que dans la société, c'est pas proposé des méthodes alternatives qui te font reprendre ta puissance, parce que c'est pas ça l'objectif de la société, de te faire reprendre ta puissance. Donc, il faut que ça devienne une recherche personnelle à trouver des gens ou des méthodes qui permettent à l'individu de vraiment se régénérer de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as des conseils particuliers d'activités que les gens peuvent faire à des fins de régénération? Bien sûr, moi j'aime ça travailler avec le principe de la nourriture, OK? Pour moi, la nourriture, c'est pas juste des oranges, des pommes, des melons, de la viande, des hamburgers, là. De la nourriture, c'est ce que tu regardes, c'est ce que tu écoutes, c'est ce que tu touches, c'est ce que tu sens. C'est tout ça, tout ce qui nourrit tes cinq sens, puis éventuellement, les sens qui sont plus subtils que ça, affectent ton énergie. Fait que quand on apprend à se nourrir selon le soi, qui on est réellement, nos réels besoins, pas nos désirs, mais nos réels besoins, on commence à discerner les bonnes et les mauvaises nourritures. Pas parce qu'ils sont bonnes ou mauvaises, parce qu'ils ont quelqu'un qui a dit qu'ils sont bonnes puis mauvaises. Ce qui est compatible avec nous, puis qu'est-ce qui est incompatible avec nous au niveau de l'énergie, du contact. Fait que si moi je mange un aliment, nourriture, puis c'est pas en harmonie énergétique avec moi, quand je mange ça, je me sens fatigué, j'ai des ballonnements, je digère pas bien. J'arrête de manger ça. Pas indéfiniment, puis je dis ça, c'est mauvais, puis c'est pas bon. Je fais juste temporairement arrêter de manger ça. Exemple, bon, je suis sur Facebook, puis j'ai beaucoup de posts de personnes qui postent des affaires, puis ça me tape ses nerfs, puis je continue à les regarder, puis à y retourner. Mais ça, c'est une nourriture qui baisse la vitalité de l'individu. Si cet individu-là est capable de être conscient que ça lui vide son énergie, qu'il est en contact avec son énergie vitale, puis qu'il a de dire, quand j'écoute cette musique-là ou quand je regarde ce post-là, ça me donne un état de bien-être, puis ça me donne un état de mal-être. Fait que tranquillement, pas vite, être capable de discerner, à savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, puis qu'est-ce qui est pas bon pour toi. Puis tranquillement, pas vite, éliminer toute la nourriture qui est fondamentalement dénourrie. Fait que tout ce qui est musique qui excite, qui te rend un petit peu débalancé après l'avoir écouté, ben ça serait peut-être intéressant à considérer de l'essayer avec et sans, puis voir comment tu te sens mieux, puis après ça, prendre une décision selon toi, pas selon qu'est-ce qui devrait être écouté, puis qu'est-ce qui devrait pas être écouté. Ou pas L'activité. Oh, on m'a dit d'aller au gym. C'est bon le gym. Ben, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Si toi, tu as déjà des très hauts niveaux de tension physique, tu as beaucoup de stress, l'exercice physique, ça peut t'aider. Mais si tu t'en vas forcer encore plus fort puis créer encore plus de stress, ben, tu peux te débalancer aussi. Fait que ça devient très important d'être capable de faire n'importe quelle action puis discerner à savoir est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me dénourrit. Puis est-ce que je suis prêt à prendre le... T'sais, si je fais quelque chose qui me dénourrit, exemple, faire un travail, je vais travailler à cette place-là, puis quand je sors de mon travail, je suis fatigué. Ben, es-tu capable de te le permettre de faire 40 heures par semaine avec un environnement de travail qui vide toute ton énergie vitale, travailler dans des néons, de l'air reconditionné devant un écran d'ordinateur avec des collègues qui te parlent de leurs voyages dans le sud, puis tu t'en fous? Es-tu capable de vivre avec ça? Si tu es capable de vivre avec ça parce que tu es nourri à l'extérieur par ton entraînement ou par de la méditation ou par du yoga ou par n'importe quelle activité qui te fait du bien, c'est correct. Pour toi, tu es bien. Tu as une harmonie, un équilibre. Mais si tu fais ça puis tu n'as pas de nourriture qui vient de nulle part, puis tu deviens un individu qui est toxique parce que toi, tu te fais tout vampiriser ton énergie parce que tu fais des mauvais choix, puis après ça, tu vas vampiriser d'autres personnes puis tu baisses l'énergie d'autres personnes, ben automatiquement, cet individu-là ne peut pas se sentir bien. Il va avoir quelque chose qui, profondément en lui, il va sentir un certain désespoir, un certain vide. Fait qu'en prenant contact que, bon, OK, sa job, ça le nuit peut-être. Peut-être qu'il pourrait. Ah, j'ai toujours voulu, moi, être guide de montagne, puis j'ai jamais osé. Hey, puis j'ai de l'argent mis de côté. Ben, je crie, mais je prends le risque, puis je vais faire le cours. T'sais, fait qu'il fait le cours. Puis il devient guide de montagne, puis finalement, il fait sa job, puis sa job, c'est même plus une job, il fait juste œuvrer, là, tu sais, il se promène dans la montagne à longueur de journée, il respire de l'air frais, puis il est en pleine santé. Puis tous les petits problèmes qu'il avait là, avant là, au travail, il était des problèmes digestifs, puis de l'eczéma, puis des petites patentes, ben tu sais, ça a tout disparu, puis il comprend pas pourquoi. Ben peut-être que c'est parce qu'il est rentré dans un autre environnement, un niveau de vibration plus haut, qui était en cohérence avec lui, ses réels besoins. Puis en faisant ça, ben, il a accédé à un nouveau niveau d'énergie qui lui a permis de pouvoir retrouver un certain bien-être, une paix intérieure, un certain équilibre, puis un sense of purpose, là, t'sais, sentir que bon, il contribue créativement dans le monde. Puis moi, c'est vraiment ça que je fais, j'intègre dans ma vie, c'est ce que je vis, moi. Je fais pas parler de ça, puis pendant ce temps-là, je mange des Big Mac, je vis cette réalité-là. Puis en la vivant, ben quand je parle avec d'autres personnes ou quand je leur montre des choses, ben ils rentrent en contact avec la partie de eux qui reconnaissent ça qui est eux aussi. Parce qu'on a tout accès à ce même savoir-là. C'est un savoir qui est prépersonnel, qui appartient pas à ton identité psychologique. C'est une source d'intelligence qui a créé le cosmos, qui crée tout. Puis une fois que tu mets sur cette fréquence-là, puis t'écoutes l'information qui vient de là, ben, t'as de l'information extrêmement intelligente puis créative, puis tu peux t'émanciper dans le monde. Est-ce que tu penses que c'est tout le monde qui a le système nerveux pour avoir la capacité d'être en contact avec cette source d'information? Non, c'est ça le problème. Puis c'est pour ça que quand les gens sont là, la paix dans le monde, la paix dans le monde, non, on n'est pas prêt à ça, on a besoin d'avoir plus de choc psychique. Les gens souffrent pas suffisamment, on a là, ben non, tu peux pas dire ça, on a souffert plus que jamais, non. La personne peut seulement arriver à cet état-là en préparant le terrain, puis en incorporant la souffrance comme en faisant partie de sa vie, puis en l'acceptant, puis en travaillant avec, pas en se laissant détruire par elle, mais en apprenant à travailler avec, puis être capable de dire, bon, mais ces événements-là sont là pour me rendre plus fort, pour m'aiguiser, pour me faire évoluer, fait que je les accueille à bras ouverts, puis je sais que j'ai l'énergie, puis les ressources nécessaires pour. Mais là, si on souffre, on essaye de couper la souffrance, puis couper la souffrance par toutes sortes de façons de s'anesthésier, bien, on crée encore plus de souffrance qui, éventuellement, va venir à un point où est-ce que ça va être le point de non-retour. La folie ou la maladie mentale, le suicide, la maladie physique qui mène à la mort, c'est inévitablement ça. C'est pas tout le monde qui a la capacité de vivre, peut-être. Leur plein potentiel tout le temps, absolument, qui ont toutes les ressources au niveau nerveux, comme tu dis, parce que pour être capable de faire certaines choses, mettons, je sais pas moi, certains sports extrêmes ou des choses comme ça prend un très bon système nerveux. Il y a des pratiques en yoga que faut être très balancé là, dans son mental, parce que quand on commence à travailler avec la colonne vertébrale, puis qu'on éveille des énergies en nous, il y a des gens qui peuvent devenir profondément débalancés s'ils n'ont pas d'abord nettoyé les rebuts de leur subconscient, parce que quand cette énergie-là fait surface, ben éventuellement, elle pousse avec elle tous les rebuts, puis tous les rebuts viennent à la conscience, puis si la personne n'a pas été tranquillement, pas vite, préparé le terrain, intégré les petites expériences, puis qu'elle passe d'un niveau, comment je pourrais dire, un niveau plus bas d'énergie à un niveau très élevé, où ce que, mettons exemple, quelqu'un perd sa job, puis son chum la laisse. T'sais. Fait que là, il y a tellement un gros choc énergétique, ça peut produire une transformation extrême, mais en même temps, si quelqu'un a beaucoup, beaucoup de manque de vitalité, puis le corps est très stressé, puis qu'il y a beaucoup de pollution psychologique, ben ça peut se répercuter dans une certaine forme de folie, là, puis de Ben, Jung appelait ça la neurose, là, neurosis, là, une certaine forme d'anxiété chronique, là, Ben, la puis de névrose, mal-être, là, là. en La psychologie, névrose, on là, parle c'est ça. de névrose. La névrose. On peut parler aussi de burn-out, Oui. d'épuisement personnel, de dépression. Exactement. Et puis, par rapport à ça, d'un côté, tu mentionnais tantôt que quelque part, cette énergie-là, c'est universel, tout le monde peut y accéder. Puis finalement, je te repose une question, puis tu me dis que, ben, regarde, c'est pas tout le monde, ça prend quand même un système nerveux pour y accéder. Mais quand je dis tout le monde a le potentiel, c'est que personne ne devrait dire moi, c'est impossible. C'est parce que si on travaille avec l'optique d'une finalité, c'est sûr qu'on va avoir tendance à abandonner quand on n'a pas de finalité. Mais Mais attends quand une on minute, commence. c'est parce que d'un côté, est-ce que ça pourrait être possible que cette énergie-là, c'est elle qui décide qu'elle entre en contact avec qui, plutôt que c'est l'individu qui le détermine? Ben exactement, c'est selon ta préparation, c'est selon qu'est-ce que tu es capable de gérer. Comme nos sens bloquent énormément de différentes informations qui rentrent par nos cinq sens, sont filtrées terriblement pour nous maintenir en fonction selon notre niveau de conscience. Fait que ça, c'est un fait scientifique. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas un bon système nerveux, qui l'entraîne pas, parce que le système nerveux, c'est un système adaptatif qui est toujours en adaptation à qu'est-ce que tu fais le plus. Fait que si tu fais beaucoup être assis dans le divan puis écouter la TV, tu vas devenir extrêmement bon à ça. Si tu vas dans l'eau froide, mettons, tu prends une douche frette, là, 1 minute par jour, puis tu fais des respirations, puis tu fais un petit peu d'exercice physique, déjà juste ça, ton système nerveux il est capable de prendre plus. Tu es capable de prendre un plus haut niveau de conscience, plus d'énergie, tu as plus d'équilibre dans tes émotions, puis là, tu as accès à ça. Mais c'est un travail à double sens. Selon moi, c'est pas juste faut attendre passivement que l'énergie rentre en contact avec nous. Je pense que si quelqu'un est profondément en mal-être, vraiment en dépression, ou vraiment pas bien, veut pas, cette personne-là, quand elle décide à prendre une décision intérieure, c'est qu'il s'est passé quelque chose. T'sais. Puis là, cette décision-là, cette énergie-là, oui, la met en mouvement, mais cette personne-là, elle a le choix d'être en mouvement ou non. T'sais. Il y a des gens qui reçoivent un gros choc, puis ils arrêtent, puis il y a des gens qui reçoivent un choc, puis ils sont en mouvement. Exactement, tout dépendant de leur ouverture au changement et Exactement. à remettre en question leur habitude du passé, leur mémoire, leur conditionnement social et tous les éléments qui peuvent faire obstacle à l'intégration d'une énergie nouvelle qui peut être portée à travers un changement. C'est ça. Mais pour en revenir à l'entraînement du système nerveux, pour que les gens puissent comprendre là, concrètement, là, qu'est-ce que ça pourrait être un entraînement du système nerveux, là? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement dans notre quotidien pour favoriser le développement du système nerveux? Ben, c'est très simple, OK? Parce que la loi de l'hormèse, c'est une loi qui est fondamentale pour tout être vivant. Dans le fond, c'est une loi qui dit tout être vivant soumis à un stress qui ne dépasse pas sa capacité adaptative. Se régénère et devient plus fort puis plus apte à faire face à des stress plus élevés. OK? Le système nerveux, c'est l'entité vivante, c'est comme n'importe quel élément dans la nature. Les plus forts, pas les plus forts, mais les formes les plus avancées, ben, ils se perfectionnent de plus en plus, puis les formes les moins avancées se détruisent. Fait que quand on travaille avec cette loi-là, c'est très simple. La façon la plus facile de le comprendre, c'est quand tu vas au gym. Tu lèves des 15 livres avec tes biceps. Là, à un moment donné, tu as levé tes 15 livres avec tes biceps. Le lendemain, tu retournes. Tu prends un break. Tu retournes après ça. Là, tu lèves des 17. Puis là, les 17, ils sont aussi faciles que les 15. Ça veut dire que ton système nerveux s'est adapté à un nouveau stress. Fait que, étant donné que c'est un stress qui ne dépasse pas la capacité adaptative de l'individu, contrairement à ce que le stress chronique fait, le stress chronique amène la personne dans un état de compensation constant. Donc, les hauts niveaux de stress, d'adrénaline, de cortisol, éventuellement bloquent la sensation de l'individu. Fait que là, il ne se sent plus parce qu'il produit full de cortisol. Fait qu'inévitablement, il produit de la cortisone anti-inflammatoire, il sent pas son corps, fait qu'il court, il court, il court, il court, il court, il court dans la roue du hamster pour faire une grosse job, faire de l'argent. Puis à un moment donné, ben là, quand c'est surrénal, puis son système nerveux est épuisé parce qu'il n'a plus la capacité de compenser, parce que toutes les cellules ben pas toutes les cellules, mais une grande partie des tissus sont rendus déminéralisés, le corps est épuisé, les glandes surrénales produisent plus les hormones nécessaires, fait que tu es toujours endormi, tu es dans une fatigue chronique, un brouillard mental, une dépression. Il n'y a plus de circulation sanguine dans le corps il est très froid, tu le sens quasiment plus. C'est souvent les gens, on peut dire que c'est des états dépressifs. À ce moment-là, quand tu as atteint ce niveau-là, on pourrait dire dépression, burn-out, épuisement professionnel, n'importe quelle affaire. Mais dans le fond, ce que c'est que la personne s'est soumise à un stress continu, puis elle n'a jamais eu des capacités de régénération entre ces stress-là. Quelque chose qui est constructif, exemple, c'est expérimenter avec la course ou l'entraînement en salle ou le yoga ou différents mouvements, puis tu as toujours essayé d'aller un petit peu plus loin, mais jamais dépasser sa limite. Puis c'est sûr que malheureusement, on apprend seulement à dépasser ses limites en manquant proche de mourir, puis en faisant des affaires stupides. Mais bon, mettons qu'on dit que on apprend là, sans faire d'erreur. Fait que là, tu Mais fais. justement, en suivant l'énergie universelle, on peut apprendre d'une façon autre qu'en passant à travers des expériences essais-erreurs. Oui, éventuellement, mais au début, non. Tant Oui, aussi oui. longtemps que le processus n'est pas complété, tu peux pas, tu fais des erreurs. T'es Oui. pas en cohérence parfaite parce que t'es pas assez fine-tuné avec ta vibration pour dire que c'est absolu. Fait qu'au début, il faut que tu fasses des erreurs, faut que tu te plantes, faut que tu ailles au-delà de tes limites, tu te brûles, tu reviennes, tu te régénères, tu rééquilibres. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Mais une fois que la personne commence à intégrer dans sa journée, exemple, l'immersion en eau froide, des courtes périodes de temps qui chargent son système nerveux puis qui le rend de plus en plus fort, puis de plus en plus vitalisé. Éventuellement, les gens ont de moins en moins mal, ont moins d'inflammation, ils ont plus de... Oui, ben l'immersion en eau froide, est-ce que tu fais référence à quelqu'un qui prend un bain avec de l'eau froide ou quelqu'un qui va l'hiver là dans un spa là puis il y a de l'eau froide là puis il fait très froid là? Ben, ça peut être les deux. C'est sûr que plus c'est froid, plus c'est intense, puis plus il faut s'entraîner pour. Moi, je ne recommanderais pas quelqu'un qui est tout tendu musculairement, qui vit beaucoup de stress, qui a beaucoup de fatigue, d'aller dans de l'eau glacée parce que je pense que ça pourrait le tuer ou le maganer bien comme faut. Je pense que ces techniques-là doivent être adaptées à chaque individu, dépendamment de où est-ce qu'il est rendu dans sa capacité adaptative. Il y a des mouvements que je fais faire à des gens qui ont la capacité de récupérer de ces mouvements-là, puis il y a des mouvements que je ne fais pas faire. Puis je m'adapte à l'individu que j'ai en avant de moi pour leur offrir, dans le fond, les outils qui sont adaptés pour eux dans le moment présent. Mais si on travaille quotidiennement à prendre au moins directement en se levant un moment pour s'asseoir, puis respirer, puis prendre contact avec soi-même intérieurement en fermant les yeux. Puis le soir avant de se coucher, c'est déjà un très, très, très grand bout de chemin pour commencer à récupérer de l'énergie. Parce que quand on rentre à l'intérieur, on se nourrit de cette énergie-là, puis quand on ouvre les yeux, puis on recommence notre journée, bien, on a déjà plus d'énergie que si on avait pris un café. Quand on apprend tranquillement à le perfectionner. Fait que ça, c'est des méthodes de pouvoir, bon, t'as une grosse job, t'as une grosse journée qui s'en vient. Tu prends un moment pour te régénérer, tu peux faire des thérapies par le massage avec des différentes balles, différents rouleaux pour détendre les tensions musculaires. Ça fonctionne très bien aussi. Il y a différentes techniques, mais de détendre le corps le plus possible pour que quand il arrive un stress, le corps, il répond au stress, mais la tension qui a été vécue lors du stress est directement relâchée. Il n'y a rien qui est maintenu. C'est comme un chien, là. Tu vois le chien, là, il se bat là, pendant à peu près 5-6 secondes, là, super intense, là. Puis après ça, pff, il se brasse, puis là, c'est fini, son relax. Ils ont accumulé absolument aucun déchet acide, rien, aucune toxine qui est restée là. Ça a tout été respiré, ça a tout été évacué. Donc, Plus le corps est autrement souple. dit, il est capable de laisser librement circuler l'énergie à la mesure qu'elle entre dans son système. Exactement. Puis ça, c'est ce qui permet éventuellement d'intégrer de plus en plus de ces principes-là, puis d'avoir accès à de plus en plus haut niveau de conscience. C'est pas exactement, c'est pas un travail égocentrique de moi, je veux sortir de la souffrance, moi, je veux m'éveiller, moi, je veux ça. C'est vraiment un processus de initiatique, d'expérience avec soi-même, de tester différentes méthodes de relaxation, différentes méthodes d'entraînement, différentes façons de manger. C'est d'être toujours dans l'exploration, mais pas perdre son centre intérieur, pas se perdre dans des méthodes ou se perdre dans des façons de faire ou dans des diètes ou dans des trucs comme ça, mais toujours explorer le maximum, mais de toujours se référer à notre centre intérieur puis de savoir, bon, ça, c'est-tu adapté pour moi? Ça m'appart- Est-ce que ça, je peux bénéficier de ça présentement? Oui ou non? Non, tu jettes, oui, tu le prends. Puis éventuellement, peut-être que le non que tu as jeté la semaine passée, dans 3 semaines, il va être utile, puis tu vas le réutiliser. Mais c'est pour ça qu'il faut développer des techniques pour développer la concentration, parce que ça prend de la concentration pour être capable de canaliser notre énergie. Si on n'a pas de concentration, on ne peut rien canaliser, on ne peut rien faire. On est distrait, on est complètement esclave de nos sens puis de nos émotions. Fait quand on apprend à respirer, quand on apprend à bouger, quand on apprend à manger, quand on apprend en fait, à se nourrir généralement, de plus en plus, notre capacité de concentration augmente. Puis plus elle augmente, plus on est capable de efficacement apprendre des choses dans une très courte période de temps, d'exécuter des tâches mondaines comme faire du ménage, puis de la vaisselle, puis toutes sortes d'affaires. Puis au lieu de passer une journée complète à faire ça, déprimé parce que tu fais beau dehors, ben, tu passes 1 heure, puis tu as tout fait parce que tu as un rendement énergétique qui est très, très, très amélioré. Donc, beaucoup plus de temps libre, plus de temps pour vivre, plus de temps pour être, plus de temps pour être avec ses enfants, plus de temps pour être un être humain. Parce que moi, Et je ne oui. considère pas qu'on vit comme des êtres humains quand on est hypnotisé, puis qu'on est dans des niveaux très, très bas d'énergie, puis que juste penser de se lever le matin, c'est difficile. Je trouve ça désolant que. On doit vivre. Je pense qu'il faut pas, on peut pas vivre ça indéfiniment. Il faut éventuellement prendre conscience que c'est toxique puis sortir de ça. Mais justement, c'est peut-être pas la plupart des gens qui ont la capacité de faire face à des situations de difficultés qui les Ça n'a gardent pas à terre, puis d'importance. de... Ça n'a pas d'importance que s'il y a des gens qui sont capables ou pas capables. Fais ton possible. Sais-tu quoi? Toi, là, comme disait Bernard, là, un petit verre plein, c'est aussi plein qu'un gros verre plein. Okay? Fait que si tu es un petit verre plein, là, ben t'as autant d'énergie pour ce que tu as besoin. Si toi, c'est être en équilibre dans tes émotions et dans tes relations amoureuses qu'il faut que tu apprennes sur la Terre, ben, apprends ça. Moi, s'il faut que Oui, j'apprenne d'autres choses, c'est je vais sûr que apprendre d'autres chaque choses. individu fait ce qu'il a à faire. Mais c'est le but, c'est pas de faire plus qu'un autre. Le but, c'est de faire intégralement avec tout son être. C'est ça. Puis ça. C'est là qu'il faut travailler. C'est que même si moi, je serais concierge, ou comme l'année passée, je travaillais au gym, puis je passais à la MOP. Puis moi, passer la MOP, c'était une expérience pour moi qui était méditative. Moi, je me disais, crime, je suis en train de nettoyer une place pour d'autres êtres humains. Puis je le faisais avec tout mon être. Puis j'ai bénéficié d'énormément de joie, puis de bien-être, puis de paix intérieure quand je passais ma MOP, au lieu d'être fâché parce que moi, je devrais pas faire ça à mon âge. Passer des MOP, puis je suis mieux que ça. Puis... Fait que. Même si c'est pas tout le monde qui a le potentiel nerveux de faire des choses plus, moi je trouve, j'aime pas ça dire ça, mais plus impressionnantes ou plus extraordinaires, je pense que tout le monde a le potentiel d'être dévoué à 100% dans n'importe quelles actions qu'il fait, ça, je sais. Puis c'est là que la joie puis le sentiment créatif émerge vraiment. Et justement, par rapport à ça, est-ce que la créativité, c'est un élément qui va être favorisé par le développement d'une manière optimale du système nerveux? Définitivement, parce que le cerveau, d'ailleurs, adore la nouveauté. Le système nerveux, il adore la nouveauté. Il est très stimulé par la nouveauté. La preuve, c'est quand on est stimulé à de la nouveauté ou à des choses qui sont vibrantes ou nouvelles, on produit des neurotransmetteurs et des hormones qui nous font sentir bien. Fait que, t'as pas vraiment. Les gens, malheureusement, utilisent certaines substances pour atteindre ces niveaux-là au lieu de faire qu'est-ce qui leur fait du bien. Mais quand tu fais t'apprends à ton système nerveux à travailler, à s'adapter, à apprendre des nouveaux mouvements. Exemple, quelqu'un qui n'était jamais capable de se tenir sur la tête en yoga, puis maintenant il est capable de se tenir sur la tête. Il bénéficie énormément de bien-être, puis de liberté, puis de sentiment d'accomplissement. Pas nécessairement égocentrique, mais vraiment de sentir qu'il y a un potentiel de toujours pouvoir évoluer. Puis il est pas obligé de penser qu'il est arrêté, puis qu'il est stagné. Il peut toujours avancer, peu importe tout ce qui est rendu. Ben, ça construit cet individu-là à être capable d'éventuellement de prendre de plus en plus de place, puis de rentrer de plus en plus dans son identité, puis d'être capable de s'affirmer, puis d'être une source d'énergie créative dans le monde. Exactement, en autant qu'ils prennent pas la grosse tête après en fait exercice sur la tête. Non, mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a toujours un certain danger de s'approprier de cette intelligence-là, puis de penser que c'est nous, puis si moi je suis plus intelligent que les autres. Si, ben ça fait partie, moi j'en ai malheureusement fait partie, ben malheureusement ou peu importe, fait partie du processus que j'ai longtemps pensé que j'étais meilleur que les autres, puis je savais tout, puis que moi j'ai compris, puis vous autres vous comprenez pas. Puis j'ai eu des leçons extrêmes qui m'ont porté à l'humilité par rapport à ça, puis maintenant je sais que je sais rien, là. Je sais ce que je sais, puis ce que je sais pas, je sais pas, là. Donc, autrement dit, l'un des pièges dans le processus qui peut guetter l'individu, c'est l'orgueil. Ben, c'est ça, puis on en parlait souvent, toi et moi, parce qu'on est des amis. On parlait à quel point que pour l'homme masculin, l'orgueil, c'est un gros défi, puis pour la femme, c'est l'émotion. Ben, ça dépend. Moi, je dirais que c'est plutôt du cas par cas parce que, Ouais, non, je comprends, mais en mettant en tangente générale, là. je sais pas. Moi, je dis que vaut mieux gérer ça du cas par cas parce que là, les gens vont dire: ah, les femmes sont émotives, les hommes sont cérébrales, les femmes sont ci. Tu sais, il y avait des livres de psychologie populaire. Si je parle à, je pense à l'un d'entre eux qui disait que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Aïe, aïe, c'est vrai, c'est-tu. Oui, mais là, c'est parce que ces catégories-là, c'est simpliste. Puis moi, je pense qu'il faut faire plutôt avoir un regard du cas par cas là, selon les êtres humains. Mais là, t'as peu. T'as bien raison. T'as bien raison. Mais écoute, c'est que T'es on pas a tout obligé un d'être d'accord aspect. avec moi, là, on est là pour Non, non. jaser Non, aussi. mais on est en train de construire quelque chose, là. C'est intéressant. C'est que quand on dit que la femme est émotive, c'est que naturellement, le côté yin, le principe féminin, c'est un principe très, très haut, très courbe, amour, compassion, tu sais, très enveloppant, très émotionnel. Mais le principe de l'amour, c'est pas une émotion, c'est une vibration, c'est pas la même chose. Ça veut dire que si, puis le principe de l'homme, c'est plus coupant des angles coupés, c'est très pragmatique, c'est très structuré, c'est dissect, c'est mental, intellect, là, c'est genre, je comprends parce que je défais tout en morceaux, là, puis je mets des noms sur des morceaux. Mais t'as bien raison qu'il y a des femmes qui peuvent posséder plus d'aspects yang, plus masculinisés, surtout dans notre société aujourd'hui. Les femmes sont très, très, ils ont beaucoup d'énergie, ont beaucoup de volonté, ils bougent très fort, puis ils prennent beaucoup de place, puis c'est bon. Mais très yang. L'homme, lui, il est devenu un petit peu yin. Fait que t'as raison que ça peut varier dépendamment des comment que la personne est balancée dans son énergie masculine puis féminine. Exactement, selon les polarités de chacun, parce que c'est sûr que, de mon point de vue, le processus d'intégration d'énergie est fait selon la nature de l'individualité, puis chaque individualité est propre en fonction de ses antécédents passés, son contexte culturel, son contexte biologique aussi, ses multiples variables. Vraiment. Ah oui, c'est vraiment ça. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que l'orgueil, c'est un gros, gros, gros blocage pour beaucoup, autant femmes et hommes, t'as bien raison. C'est l'incapacité de prendre conscience de où est-ce que t'es vraiment. Tu sais, c'est que tu prends quelqu'un qui s'entraîne, qui fait du CrossFit, exemple. Là. Puis là, il essaye de faire des mouvements comme le monde qu'il a vu là, sur les CrossFit Games. T'es pas rendu là. Commence par la base. Mais l'orgueil, des fois, c'est tellement fort. Puis moi, j'en ai été victime de cet orgueil-là quand je faisais de l'entraînement en force pendant longtemps, de toujours vouloir être plus fort, puis de trouver identité à travers les poids que je levais, puis tout ça. Mais ça a un effet détrimental, assez important sur l'individu. Puis au niveau physique aussi, ça crée de la tension. Fait que, tu sais, si la personne est capable de mettre de côté cet orgueil-là, puis rentrer dans un état d'écoute puis d'apprentissage, sans sentir qu'elle est inférieure, parce que t'es pas inférieur quand tu apprends, n'importe qui. Si t'apprends pas, il y a un problème, là. Moi, j'apprends tout le temps, de n'importe qui, puis c'est là que tu es capable de te mettre en position d'humilité puis de dire: ah oui, c'est vrai, moi je suis là, il faudrait que je commence à tel niveau. Là, il y aura une progression qui se ferait très, très rapide. Quand une fois que l'orgueil commence à être de moins en moins omniprésente chez la personne, sa capacité d'apprentissage puis de développement, elle se développe là, à peu près, je veux pas dire 2 ou 3 fois plus vite, mais beaucoup plus vite. Parce qu'il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de moi, je suis de même, puis je vais faire comme si j'étais bon, même si je suis pas bon. Mais non, tu sais que t'es pas bon dans telle affaire, puis tu le travailles, puis tu tombes, puis tu recommences, tu tombes, tu recommences, puis à un moment donné, tu deviens bon. Pourquoi tu deviens bon? Pas parce que tu as du talent, parce que tu l'as pratiqué, parce que tu l'as perfectionné, parce que tu as utilisé la concentration, puis l'aspect lumineux en toi qui tente toujours à perfectionner sa perfection. Fait que toi, tu bouges, tu fais des mouvements, puis t'arrêtes jamais. Tu essaies toujours de les améliorer, puis de les améliorer, puis de les améliorer. Puis ça ne dérange pas de jamais d'être pas bon dans quelque chose, parce que tu sais que quand tu n'es pas bon, puis tu commences à faire cette affaire-là, tu deviens bon parce que tu le pratiques consciemment, puis tu le développes, puis tu le perfectionnes. Donc, autrement dit, tu amènes ça sur le terrain d'une dynamique évolutive que la personne peut avoir en relation avec le suivi de son ressenti ou de son intuition, là. Ouais, exact. OK, c'est intéressant. C'est sûr que par rapport à ça, ce qui peut être intéressant d'aborder, c'est en plus de l'orgueil qui peut être un obstacle à l'évolution de l'individu, il peut avoir aussi la peur, les craintes. Ben, définitivement, parce que d'abord, l'orgueil, ça paraît dû à la peur, dû à l'ignorance, dû à qu'est-ce que je vais avoir l'air, de quoi, c'est l'inconnu, la peur du changement, la peur de la vulnérabilité. Puis la peur, c'est fondamental, puis la peur, c'est une maladie, puis c'est une maladie qui a pris contact avec la psyché de l'homme, puis qui l'a rendu malade. Puis quand on apprend à se débarrasser de la peur, pas en faisant, en refoulant notre peur ou en faisant semblant qu'on n'a pas peur, en prenant contact que nous avons peur. En le réalisant, là, j'ai peur, oui, mais cette énergie-là, je la contrôle. Là, ça devient très différent. On n'est plus dans les gens qui font des sports extrêmes, qui ne se ressentent plus, puis qui sautent en parachute, puis prennent des risques terribles pour leur vie, parce qu'ils ne sont pas capables de rien ressentir à part quand ils sautent en parachute. Une espèce de. Ils mettent de côté ce sentiment-là. Puis, c'est pas non plus de refouler la peur, puis de faire croire qu'on n'a pas peur, puis de se créer un orgueil. Mais en dessous de l'orgueil, dans le fond, il y a beaucoup d'anxiété, puis d'insécurité, puis d'ignorance. Puis c'est l'ignorance fondamentalement de qui on est, puis de notre potentiel, puis de nos centres d'énergie qui nous rend à avoir peur. Parce que c'est sûr que moi, si je prends une personne qui a rien vécu dans sa vie, puis je l'envoie en Inde, ça sera pas un voyage le fun, parce qu'elle n'a pas la préparation nécessaire. Mais si tu prépares quelqu'un, puis la personne a été préparée jeune, puis s'est adaptée, puis a construit ses centres d'énergie, puis elle prend contact avec elle-même, puis est capable d'interagir avec les autres sans être constamment devenir une copie des autres. Ben là, c'est un processus qui est extrêmement intéressant, qui se développe, puis qui se perfectionne de plus en plus, mais faut pas y chercher une finalité. Là, pas, là quand je vais avoir fait ça va-tu être correct? Je vais-tu être arrivé? Là? Non, t'arrives jamais. Exactement, parce que dans le fond, dans le processus, c'est pas le but, c'est pas d'atteindre des objectifs avec Non, non. l'ego. C'est peut-être plutôt de se laisser porter par l'intelligence de la Avec vie. toujours du Ouais. discernement, maintenir son discernement, pas se laisser hypnotiser par des expériences hors du commun, des expériences surnaturelles, puis penser qu'on a tout compris, là. Faut faire très, très attention à pas acheter des idéologies, des croyances. Qui viennent des autres, mais qui viennent de nous aussi, parce qu'on en a toutes, puis c'est important. Moi, en tous les cas, tout ce que je dis, j'essaie toujours de le sentir, puis de le vérifier, puis de faire, ouais, puis de le pratiquer, puis de le tester, puis avant de parler de quelque chose, de vraiment l'intégrer dans ma vie, puis d'être sûr que ça tient, ça, c'est concret, c'est solide. Il y a beaucoup de gens qui vivent ces différents types d'expériences ou que. Ils vivent des chocs, puis là, ils pensent que là, ils ont des réponses, mais ils valident pas la source. C'est qui ça? C'est quoi là, ces réponses-là? Ça vient de où? Si tu es intelligent, ça sert à quelque chose? On en a déjà parlé. À un moment donné, si tu commences à recevoir des downloads d'écriture automatique, puis tu écris pendant 8 heures sans arrêt, puis tu n'es pas capable d'aller dormir parce que ça n'arrête pas d'écrire, là, à un moment donné, il faut que tu te dises, ferme ta gueule. Là. Exactement. Donc, la personne doit être capable de remettre en question les idées qui peuvent lui être acheminées, si des idées qui n'ont pas de bon sens puis qui nuisent à sa Ben oui, vie. savoir ça vient de où, puis c'est qui te dit ça, puis pourquoi qui te dit ça, puis c'est quoi le style de rapport, là? Exactement, mais là, on va entrer un peu plus dans l'occulte pour savoir d'où ce que ça vient, parce que il y a différents plans d'énergie, il y a le plan mental, il y a le plan astral, il y a différents niveaux d'énergie qui nous permettent d'aller plus loin là, pour saisir ce type d'information-là. Exactement. Puis c'est là que ça devient du cas par cas. Puis moi, si j'avais à interférer avec certains individus qui vivent ces genres d'expériences-là, ben, je suis capable de parler avec eux autres, puis de les recevoir, puis de les écouter. Mais c'est sûr que faut faire attention. Le principe fondamental, hein, je pense que tu le sais comme moi, c'est de pas croire, man. Pas croire. Faut pas croire. Faut pas croire ce qu'on dit. Faut pas croire les autres. Faut le vérifier intérieurement. Faut que quelqu'un te parle, là, puis tu crois pas ou tu. C'est pas je crois pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est est-ce que ça il y a quelque chose qui reconnaît ça en dedans? Est-ce que ça dit oui? Ça dit-tu oui ou ça dit non? Là, quand tu commences à vérifier, puis tu la mets en pratique, parce que beaucoup de choses, pourquoi que les gens veulent, ils progressent pas beaucoup, c'est qu'ils prennent pas beaucoup de risques. C'est important de prendre des risques pour valider ces réceptions d'informations-là qu'on reçoit intérieurement, à savoir s'ils sont vraiment intelligents et sont vraiment utiles. Puis il faut prendre des risques, puis ça prend un système nerveux pour prendre des risques, puis ça prend une capacité adaptative qui est grande. Puis si tu n'as pas une capacité adaptative qui est grande, ben tu restes confortable chez vous à une température de 23 degrés Celsius, puis tu mets un manteau l'hiver, puis tu as frette, puis t'es pas bien, puis t'as mal, tu dors pas bien, puis t'as des problèmes digestifs, puis c'est plate. Ben, c'est-à-dire que ça prend l'ouverture par rapport à ces perceptions-là, à son ressenti pour cerner qu'est-ce qui est réel. Ça se développe graduellement, petit pas par petit pas. Exactement, mais en tant que tel, de percevoir ou d'évaluer quelque chose, je te dirais que ce n'est pas nécessairement un risque. Ce qui peut être un risque, c'est plutôt une mise en action en lien avec ça. Donc, autrement Exact, dit, ouais, si ben qu'elle oui, est... c'est ça. Mais pour Oui. confirmer le doute, parce que tant que longtemps qu'il y a du doute dans la conscience d'une personne, c'est bien important qu'il éradique le doute. Le doute doit être éradiqué par le feu de l'expérience. Il faut que. Moi, j'ai un doute sur je devrais-tu manger de même ou de même. Je vais l'essayer. Je vais essayer les deux façons. Tant aussi longtemps que je ne mets pas en péril ma vie, là, je ne mets pas en péril ma vie pour tester quelque chose, je suis capable de traverser cette falaise-là en slackline, pas de corde, puis rien pour me retenir. Non, je ne considère pas que c'est intelligent. Ce n'est pas un risque que je suis prêt à prendre. Je n'ai pas les moyens énergétiques pour prendre ce risque-là. Il y a beaucoup de risques qu'on est capable de prendre dans la vie quotidienne, comme. Une personne que tu aimes au bureau, puis tu as le goût de dire que tu la trouves belle, puis tu aimerais ça l'amener au restaurant, mais tu peux prendre ce risque-là. C'est un risque sécuritaire, ça. Il n'y a rien qui va t'arriver. Au pire, la fille, elle va te dire non, puis elle t'aime pas, puis je te trouve pas très beau, tu as un gros nez, puis j'aime pas ça. Exactement, si la Flop. personne est attachée à la forme. Ben oui, c'est ça. C'est un petit choc, puis ça fait du bien, puis ça fait évoluer, puis tu apprends de quoi. Mais si tu te fais dire. Chris, là, moi, j'ai des guides qui me parlent, puis là, ils m'ont dit qu'il allait arriver ça, puis il y a un train qui va arrêter à la station, puis il y a un gars qui. Hey, veux-tu bien pas. T'sais, laisse faire, là. Occupe-toi de ta vie, là. Il y a assez de choses à faire, là, dans le quotidien, là. Gérer nos propres choses, puis. Rendre ça. T'avais fait un vidéo sur ça, un enregistrement sur utilisation concrète de son intelligence, puis pour moi, l'utilisation concrète de son intelligence, c'est d'être capable de. Avoir des relations intelligentes, efficaces avec les êtres humains autour de soi. D'être capable d'effectuer un travail avec haute précision en faisant le mieux possible dans tout ce que tu es capable de faire en investissant ta pleine énergie puis ton engagement total dans chaque action. Au-delà de ça, tu sais. Exactement. Ben, la personne qui est présente à ce qu'elle fait, elle va agir en fonction du flot d'énergie qu'elle a. C'est C'est automatique. inévitable, exactement, C'est c'est ça. ça, tandis que C'est la un principe personne, inévitable. c'est ça, tandis que la personne qui se réfléchit pour en revenir au doute, qui est quand même un sujet important, parce que beaucoup de gens sur le sentier de l'éveil sont confrontés au doute, donc pour employer cette expression-là. Et à ce moment-là, c'est que c'est sûr que la personne s'est fait quelque chose, puis elle n'est pas toute là, parce qu'il y a une partie d'elle-même qui doute que c'est la bonne chose qu'elle fait, puis une autre partie qui dit non, non, c'est ce que tu as à faire. Là, la personne doit quelque part trancher entre deux aspects qui lui communiquent une information divergente à Puis l'intérieur d'elle. ça, une façon concrète et efficace de faire ça, c'est par l'action. Donc, si ça te dit, je devrais-tu quitter ma job ou non, j'ai quelque chose en dedans que ça me dit, c'est fini ce job-là, je suis écœuré, puis il y a quelque chose en moi qui dit non, il faut que je reste. Là, c'est de vraiment prendre le temps de ne pas réfléchir à cette information-là, mais d'aller travailler chaque jour, là, puis de vraiment accumuler de l'information vibratoire, de ressenti, de savoir à quel point je bénéficie d'être dans ce travail-là ou est-ce que je bénéficie pas de ce travail-là. Puis à un moment donné, après un certain temps, là, il y a quelque chose qui c'est pas obligé de prendre ta job du jour au lendemain, puis la foutre là, puis de regretter après. C'est de vraiment étudier le volet travail, OK? Puis bon, ce travail-là, bon, je suis capable de faire ça, combien de temps je suis capable de faire ça, de le vivre. Puis à un moment donné, il y a quelque chose en dedans que ça va dire, là, c'est fini, là. Tu t'en aides ici. Puis là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. Cette force-là n'est pas assez forte en eux qui fait en sorte qu'il faut qu'ils quittent leur job et qu'il n'y a pas le choix. C'est comme si je m'en vais, bye. Il y a beaucoup de gens qui endurent ça, puis endurent, puis endurent, puis endurent, puis ils ne veulent pas venir à l'évidence qu'il faut qu'ils s'en aillent. Fait que là, ils brûlent, puis ils brûlent, puis ils brûlent leur énergie vitale, puis éventuellement, ils se rendent malades psychologiquement, physiquement, à cause qu'ils ont maintenu une habitude, un travail ou une action qui est très, très, très. Ils n'ont pas été capables de trancher le doute, ils n'ont pas été capables de dire, bon, là, j'y vais. Ils n'ont Là, pas j'y vais. Puis bougé quand. rapidement, mais des fois, ce C'est qui ça. arrive, c'est que c'est les événements, quand la personne se ramasse en état d'épuisement professionnel pour avoir Là, tu n'as plus le choix. Ouais, c'est ça, tu n'as plus le exactement, est choix, au là. bout du mur, après avoir enduré pendant plusieurs mois un emploi qui lui gruge beaucoup d'énergie vitale. Donc, quand la personne n'est plus capable de se lever pour aller au travail parce qu'elle est brûlée au niveau énergétique, là, c'est une nécessité de changer. Ça s'impose à elle. Elle peut plus attendre. Il n'y a plus d'élastique, il n'y a plus de marge de manœuvre. C'est ça, c'est sauté. Puis là, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre comme ça. Il y a des gens qui apprennent un peu avant. Moi, je me suis rendu proche de l'épuisement, mais pas tout à fait. Puis ça a été comme des symptômes, je te dirais, assez doux de dépression, là, qui était l'entraînement, puis le mouvement m'a permis de rapidement sortir de ça. Mais des périodes de choc comme ça, de changement de travail, où ce que tu as travaillé, moi j'avais travaillé 6 ans comme formateur puis gérant dans un magasin de suppléments au Popeyes à Québec. Puis à un moment donné, après un certain nombre d'années, j'ai dit, ouais, mais là j'ai besoin d'aller explorer quelque chose d'un petit peu plus fondamental que juste la surface, l'alimentation, la supplémentation. J'ai besoin d'aller un petit peu plus profond puis savoir un peu plus. Puis veut pas, ben. Cette curiosité-là, puis ce désir-là de savoir que j'avais, il a pris le dessus, puis il ne pouvait pas être arrêté, là. C'est qu'à un moment donné, c'est tellement fort, ça te fait laisser ton travail. Mais quand c'est intelligent, quand tu sais que c'est intelligent, moi, le discernement que j'ai toujours, c'est qu'on dirait que quand que je lâche le travail, il y a énormément d'ouverture, comme un sac à dos que tu viens de lâcher, là. Un mur de possibilités devant toi, puis là, il y a une nouvelle charge d'énergie qui naît. Mais elle ne peut pas naître tant et si longtemps que tu n'as pas lâché. C'est ça que les gens ont beaucoup de difficultés, je remarque, moi, dans ma job. C'est qu'ils ont de la misère à lâcher quelque chose pour d'autres choses parce qu'ils n'ont pas la vibration encore pour lâcher, mais tu l'as seulement quand tu lâches. C'est Exactement, c'est ouais. quand tu mets le pied dans le vide, dans le changement, dans l'inconnu, que t'es mis en vibration pour passer à travers n'importe quelle épreuve que tu as passé à travers. Puis là, dès que tu te colles sur une forme, dès que tu fais OK, bon, c'est bon, là, ça a été trop, là, l'instabilité, il faut que je me retrouve un travail, puis là, je me stabilise. Là, tu commences à te scléroser. Tranquillement, pas vite, là, ça se fossilise, puis ça se rigidifie. À moins, bien sûr, que l'individu est dans un travail qui peut vraiment œuvrer, puis être créatif, puis amener de lui-même, puis d'être dans son identité. Ça, c'est pas la même chose. Mais cette période-là d'inconnu, souvent, ça fait peur. Fait qu'on arrête, puis là, on se sécurise dans des formes connues, puis on reste là pendant une période de temps, puis on finit par souffrir. Fait qu'on en sort, puis on en repogne une autre, puis on en sort, puis on en repogne une autre. Puis éventuellement, c'est d'apprendre de plus en plus à rester toujours sur cette vibration-là, puis éventuellement vivre que là-dessus. De plus être prisonnier des formes du travail, puis de ce que je vais faire l'année prochaine. T'sais, vraiment laisser le flow, l'intérieur de votre. Le cœur, là, ce qu'il veut. Là. Le cœur, il veut partager, il veut échanger, il veut donner, il veut croître, il veut expandre, il veut comprendre, il veut connecter, il veut rentrer en syntonicité puis en synchronicité vibratoire avec l'univers. Fait que si on est capable de construire tranquillement notre système nerveux, puis par des petits événements, puis des petits pas, des petites pratiques, des petits mouvements de temps en temps, un petit peu de respiration le matin, 2 minutes, puis après ça, c'est 3 minutes, puis 4 minutes, puis à un moment donné, t'es rendu après 2 ans. Puis là, tu as des personnes qui sont capables de faire des choses absolument phénoménales, puis de toute beauté, des gens qui s'expriment avec leur corps, puis avec leurs paroles, puis c'est des gens qui sont extrêmement intéressants à côtoyer, puis à parler. Puis c'est des gens qui nourrissent leur environnement à profusion. On commence à vivre, puis à vraiment émerger, puis être dynamisé intérieurement, puis de pouvoir transmettre notre lumière à d'autres personnes. Puis c'est là qu'on peut aider. Je pense que quand on est vraiment dans ce cheminement-là, où ce qu'on intègre chaque chose qu'on apprend, puis qu'on l'enseigne par la suite, si c'est intégré, bien, on est vraiment capable de comme faire un recyclage de l'énergie. On reçoit une énergie, on est bon. Moi, je travaille avec des gens, les aider avec améliorer leur santé dans un gym. Je donne des cours de CrossFit. J'aide les gens avec ma business. Puis c'est naturel, ça ne me requiert pas d'énergie. C'est comme un. Je ne suis jamais fatigué. T'sais. Je ne peux pas être fatigué parce que je fais pas d'effort. C'est naturel, c'est un flot naturel. Puis je pense que l'humain, il faut qu'il arrive à un point dans sa vie où qu'il apprenne à œuvrer comme ça, à créer. Et pas être un. Pas travailler. Travailler, on est fait pour faire quelque chose. On est fait pour créer puis construire, mais pas sous forme d'esclavage. Un esclavage, une prison psychologique par des croyances ou bien un système d'esclavage social. Je pense qu'on peut se libérer de ça, même si on a une société qui n'est pas nécessairement toujours facile à vivre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup d'inconscience, oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de réémergence de cette conscience-là. Puis je le vois, moi, chez les jeunes, surtout des jeunes de 17, 18 ans, même des jeunes de 12 ans, très, très vifs, très intelligents, très allumés, là. Mais ils n'ont pas ils n'ont pas l'environnement qui leur fait montrer qu'ils sont, oui, ils pourraient équilibrer leur comportement, mais oui, c'est bon leur énergie, c'est bon que tu aies cette énergie-là, c'est constructif. On les étouffe, on étouffe, on étouffe, on étouffe. Bien, c'est sûr Mais. que je t'arrête ici présentement au Québec. Il y a beaucoup de jeunes qui vont prendre la médication parce qu'ils sont diagnostiqués comme étant ayant le trouble de déficit de l'attention. On est dans une période aussi que beaucoup de jeunes qui sont diagnostiqués avec le syndrome d'Asperger. Donc, il y a beaucoup d'éléments diagnostiques qui font en sorte que des jeunes vont être appelés à prendre de la médication. C'est sûr que le milieu scolaire est fait aussi de manière à ce que les jeunes doivent rester assis sur une chaise pendant plusieurs heures et écouter un professeur parler, alors que dans certains cas, ils ont le goût de bouger, ils ont le goût de faire du sport. C'est important de comprendre que dans l'évolution de l'être humain rendu à son niveau de perfectionnement, au niveau de la construction de son système nerveux, puis de son corps matériel, puis ses différents corps, on s'est pas rendu là en écoutant puis en regardant des affaires sur des tableaux, à faire des multiplications. La neuroplasticité, qui est la création de nouveaux circuits, nouvelles connexions au niveau des neurones, c'est fait dû à les mouvements complexes que l'humain était capable de faire dans plusieurs différents plans. Puis plus l'être humain est en mouvement, plus il évolue, puis son cerveau s'est développé beaucoup, beaucoup dû à des mouvements, des nouveaux mouvements créatifs, puis le mouvement du langage, la parole, de ces choses-là. Puis là, si on prend juste un aspect de l'apprentissage, qui est l'aspect auditif, mais ben en fait deux, visuel et auditif. Puis qu'on omet complètement d'utiliser l'aspect kinesthésique ou l'enseignement par le corps, qui est très expérientiel, qui est très ressenti, qui est très personnel, parce que si tu peux pas, la personne ne peut jamais dire c'est pas vrai que tu sens de la colère. Tu sais, si tu sens de la colère, tu sens de la colère, mais l'autre personne n'est pas nécessairement capable de la sentir aussi. Fait que tranquillement, pas vite, si on est prêt à travailler dans ces voies-là, de vraiment apprendre à l'expression, puis tout ça, je pense qu'on va faire des très belles avancées chez les jeunes, puis on va leur permettre de pouvoir s'exprimer, puis de prendre contact avec eux autres, puis des écouter, puis de leur dire, hey, t'es pas fou, man. T'es pas un petit Christ, t'es pas un problème. T'es un humain qui a beaucoup d'énergie, qui est très conscient, puis qu'il est dans un environnement désordonné vibratoirement avec des gens qui sont pas au même niveau d'énergie que lui, puis qui pensent que lui a un problème. Parce que plus quelqu'un rentre dans son énergie vitale, qui est de plus en plus en contact avec cette force-là, ça peut arriver qu'il n'y ait pas du monde, là. Ou Ben, très intense, il c'est vit ça, très intensément. c'est parce qu'il peut avoir un déséquilibre entre le Bien jeune sûr. qui est dans sa vitalité, il est très dynamique, puis il a le goût de bouger, il n'a pas le goût de passer 6 ou 7 heures par jour assis, et la personne qui va lui enseigner des choses, qui est un peu blasée, qui est un peu rigidifiée dans son énergie. Donc, les deux sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde, là, ça peut créer des chocs, ça peut créer des tensions. C'est ça. Moi, j'ai fait une conférence avec des jeunes de sixième année il n'y a pas longtemps sur la confiance en soi. Puis c'était très interactif. On avait une conversation. On était assis en Indien à terre. Puis on parlait. Puis toi, tu fais quoi? Puis c'est quoi que tu rêves? Puis tout. Puis j'ai réalisé qu'il y a beaucoup des professeurs que ils ont mis dans une boîte, là. Ils ont dit, garde, ceux autres, c'est des tannants. Non, il n'y a pas de tannants. Regarde-le neuf à chaque jour, ton jeune. Il est toujours, toujours, toujours nouveau. Fait que si tu le prends puis t'apprends à toi, si tu veux vraiment aider tes enfants puis tes élèves, faut que toi, tu t'entraînes à être capable de soutenir des plus hauts niveaux d'énergie aussi. Parce que si le professeur est brûlé, est épuisé, puis il fonctionne sa caféine, puis qu'il y a des enfants qui ont énormément de vitalité, qui sont très puissants, puis sont très rebelles, parce que l'esprit, ça veut pas être mis au pas, là. T'sais, ça veut s'exprimer, puis ça veut bouger. Puis c'est sûr que ces enfants-là, ben, veut pas, ils sont influencés par toutes sortes d'aspects de leur famille, de la société, de la télévision, ces choses-là, fait qu'ils peuvent avoir un certain déséquilibre. Ben, ça crée, on peut se l'imaginer, une cohue assez extrême dans une classe, mais c'est rien qui est pas possible d'être remédié ou d'être pris en conscience, selon moi, là. Ben, c'est sûr que ça prend de la force de volonté de la part de la personne qui est professeur pour être capable d'accompagner l'enfant. Et comme tu le mentionnais, je trouve ça intéressant d'être capable d'aller au-delà des étiquettes qu'on peut mettre facilement, donc des formes qu'on peut mettre par rapport à des gens, au lieu de suivre la vibration du moment qu'on peut percevoir d'eux. Ben c'est ça, c'est comme la maladie mentale. C'est terrible d'étiqueter quelqu'un schizophrène ou étiqueter quelqu'un bipolaire ou personnalité limite ou tous ces problèmes psychologiques-là. Quand fondamentalement, les problèmes psychologiques, c'est dû à l'énergie qui rentre en contact avec l'individu, mais l'individu qui n'en est pas conscient, qui comprend pas sa science, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes, il y a beaucoup de mémoire, il y a beaucoup d'émotions qui passent là-dedans en même temps. Fait qu'une personne peut vivre une certaine forme de psychose puis perdre contact avec la réalité, mais c'est pas une personne qui est brisée puis qui est une personne qui vaut rien dans notre société puis qui devrait être aliénée puis mise en quarantaine. C'est un individu qui doit être écouté, c'est un individu qui doit être en contact avec des gens qui ont une capacité médiumnique mentale très avancée pour être capable de parler avec ce qui se passe en arrière de cet individu-là, puis de ramener ça à l'équilibre, puis de que l'individu reprenne contact, puis reprenne les rênes de sa vie, là. Mais moi, quand je regarde des gens, ah oh, ben, toi, t'es ça, puis tu vas prendre des pilules pour le reste de tes jours, je trouve que c'est vraiment un effort très pathétique de la part de la médecine de travailler avec des gens qui, pour moi, chaque humain a une valeur absolument égale les uns les autres. Puis quelqu'un qui a une maladie mentale, pour moi, c'est pas quelqu'un qui devrait être abandonné. Puis je pense pas que notre société les abandonne, mais je trouve que de Ben, donner de la encore là, médication. ça pourrait être un sujet de discussion parce que Ouais, c'est suite à vrai. la désinstitutionnalisation qui a eu cours à la fin des années 60, beaucoup de gens ont été laissés à eux-mêmes qui ont des problèmes de santé mentaux et puis ils se sont ramassés dans des situations d'itinérance, que ce soit la rue Sainte-Catherine à Montréal ou à d'autres endroits. Il y a beaucoup de gens qui sont itinérants présentement, que c'est des gens qui ont des diagnostics de problèmes de santé mentaux et qui n'ont pas l'encadrement requis par rapport à leur situation. Mais je veux vraiment, moi, pour avoir été dans le domaine, pas dans le domaine, mais d'avoir été en psychothérapie quand j'étais jeune au secondaire, je peux te dire une chose, c'est que ces gens-là, c'est pas des causes perdues. Je pense que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. C'est comme si le facteur de dévitalisation est tellement rendu rampant dans tous les niveaux de la santé que tu as même des médecins, des gens qui travaillent dans la santé qui font des burn-out, puis qui s'épuisent, puis qui sont même pas en propre santé, fait qu'ils n'ont pas l'énergie, peut-être nécessairement. C'est pas de la mauvaise foi. Moi, je pense pas que les gens, fondamentalement, sont méchants puis mauvais. Je pense qu'à un moment donné, quand tu es rendu très, très épuisé, puis que tu n'as même plus d'énergie pour t'occuper de toi, quand tu vois quelqu'un arriver avec de la maladie mentale, tu n'as pas l'énergie mentale assez élevée pour être capable de rentrer en confrontation avec la psyché de l'autre personne, puis de vraiment essayer de reprendre la vie de l'individu profondément qui est perdu, là. Fait que qu'est-ce que tu fais? C'est plus facile pour toi de dire, bon, mais regarde, on va faire un traitement, on va parler un peu, puis on va faire 1 heure, puis on va prendre des pilules. Puis c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Sauf que il y a des méthodes, selon moi, qui sont très, très, très, très efficaces, qui peuvent aider à. Je veux pas dire guérir parce que je trouve ça c'est dangereux d'utiliser ce mot-là, là. Mais améliorer la qualité de vie de n'importe qui, à n'importe quel niveau qu'ils sont, je pense que tout le monde peut améliorer sa qualité de vie. Puis d'abord, c'est d'apprendre à écouter, puis à regarder sur un plan horizontal toutes les formes qu'on a en contact avec nous. Arrêter de dire lui est important, lui est pas important, lui connaît ça, lui connaît pas ça. Mettre tout le monde sur le plan horizontal, puis d'avoir une relation d'égal à égal, puis de savoir que tout le monde peut t'enseigner quelque chose, puis que le schizophrène, là, qui a fait des psychoses, peut-être qu'il a ramené de l'information extrêmement intelligente, des plans, puis que toi, t'es psychologue, puis étant donné que tu crois pas à ça, tu dis que c'est des hallucinations. S'il a entendu ça, là, il a entendu ça, puis s'il a vu ça, il a vu ça. Après ça, de savoir, de le questionner sur la vérité, la véracité de son argument, lui, il fait juste se sentir de moins en moins compris, puis de moins en moins, de plus en plus aliéné. Puis plus il est aliéné, plus il souffre, puis plus il vit un désespoir. Mais s'il y a quelqu'un qui a déjà passé par là, qui a déjà expérimenté ça, puis qui en est sorti par la conscience, qui parle avec ce schizophrène-là, il peut l'aider terriblement à passer à travers des épisodes difficiles. Écoute, juste un gars que j'ai vu un reportage qui était atteint de schizophrénie depuis 30 ans, puis il a vu une vidéo passer sur Internet, puis le gars, il faisait des jus de légumes, puis il faisait des détox. Puis l'homme en question, c'est Thierry Casasnovas. Je vous encourage à aller le voir. C'est un Français qui est très, très intéressant, une très belle ouverture d'esprit, puis beaucoup de connaissances sur l'alimentation, puis le corps humain. Puis lui, le schizophrène a vu son vidéo, puis il a commencé à faire des jus, puis il a commencé à changer son alimentation, puis il s'est débarrassé complètement de sa maladie mentale. Complètement. Il n'y a plus jamais eu de récidive. Il est allé voir les médecins. Il n'y a plus besoin de médication, plus rien. Fait que moi, je trouve Ben, que attends une avant. minute. La vidéo qu'il voyait, c'est qu'il préparait des recettes, je suppose, d'alimentation ou de... Ouais, c'est ça. Il voyait un extracteur à jus, faisait des jus avec des carottes, des betteraves, toutes sortes de OK, légumes, des là. jus de légumes, là, ouais. Ouais, c'est ça. Des frais Mais... avec un extracteur à jus de Ouais. qualité. Puis le gars, il écrit, mais il dit, tabarnouche, c'est intéressant, ça. Puis il a commencé à faire ça. Puis il a réduit les produits céréaliers. Puis il a commencé à changer son alimentation. Puis il se sentait de plus en plus clair dans sa tête. Puis il était de plus en plus balancé. Il avait de moins en moins de récidives, de chutes de psychose. Puis il était capable de sortir de chez eux, puis de travailler, puis faire des affaires. Puis il s'est régénéré. Puis maintenant, depuis plus qu'un an, cet homme-là, il n'a pas aucune récidive de sa maladie mentale. Et on peut dire qu'il est plus malade. Mais encore là, je veux C'est dire, toujours présent, ben, c'est-à-dire que mais. l'alimentation peut favoriser la santé du corps physique de l'individu, mais si la personne est atteinte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'elle entend des voix et elle n'est pas capable de gérer ces voix-là, ben, l'alimentation n'aide pas à gérer davantage les voix qu'elle peut entendre. Non, mais ça balance le mental parce que l'alimentation, ça te vique. Parce qu'en yoga, il y a trois types de mouvements. Tu as le mouvement tamasique, l'inertie, l'arrêt. Tu as le mouvement rajasique, le mouvement, le feu, le yang. Puis tu as le mouvement sattvique qui est le mouvement balancé. Puis quand tu manges des aliments sattviques, mettons comme des plantes, des grains, différentes choses, des fruits, des légumes, une alimentation qui est très très simple à l'organisme à utiliser. L'organisme, il patine moins, il fatigue moins, il y a plus de vitalité, puis naturellement, son système nerveux, il fonctionne mieux. Fait que, il y a accès. Le mental est plus clair, il y a moins de débalancement. Ça ne veut pas dire qu'il va se débarrasser des voix qu'il y a dans sa tête, parce qu'il s'entend qu'il y a un travail à faire au niveau intérieur, puis un travail sur le matériel, mais d'avoir vu ça juste par l'alimentation, je pense que si on combine l'alimentation, les pratiques de mouvement, l'exercice conscient, puis des respirations, on peut faire un très bon bout de chemin là, pour améliorer la qualité de vie de pas mal n'importe qui, que ce soit un problème de santé chronique ou qui veut juste améliorer son état, là. Oui, exactement. D'avoir une alimentation saine, ça peut être utile, c'est sûr, à de nombreuses personnes qui peuvent d'ailleurs entendre cet enregistrement. Et puis, bon, tu faisais référence au yoga, mais toi, est-ce que tu travailles directement avec l'énergie de la vie ou plutôt avec une approche basée sur le yoga? Moi, je travaille avec aucune forme, aucune approche, aucune religion, aucune croyance, aucun. Moi, je travaille juste avec le moment présent. Fait que si demain j'ai des clients, mettons, j'ai trois, quatre clients demain. Ces quatre clients-là, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire avec eux autres, mais ça va toujours être la parfaite chose qui va avoir besoin d'être faite à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je suis à l'écoute du client, puis j'observe, puis son corps, bon, il y a de la tension là, ça, elle me dit qu'elle a mal à l'épaule, je vois qu'il y a un débalancement dans le bassin, telle affaire, l'épaule est plus haute que l'autre, ok, il y a ça, on va travailler ça. Puis là, on commence avec quoi? Puis là, il y a de quoi qui shift dans son corps, son épaule elle se place, son bassin se replace, ah, on fait d'autres choses. Puis on évolue, puis à la fin de la séance, il était venu, mettons, pour une douleur à l'épaule, ben, plus de mal à l'épaule. Là, 2 jours plus tard, ça revient. 2 jours plus tard, ça revient. Ah, il y a des mauvais patterns. Puis là, la personne, elle se rappelle qu'est-ce qu'elle a fait. qui lui a fait du bien à l'épaule, puis qu'est-ce qui lui a pas fait du bien à l'épaule, puis tranquillement, pas vite, elle discerne à faire des mouvements différemment. Puis là, ça se perfectionne. Fait que c'est un mouvement très créatif qui est pas fondamentalement, c'est sûr que l'essence du yoga, c'est l'union avec son énergie ou l'union de devenir un avec sa conscience. Mais il y a toutes sortes de méthodes qui amènent un individu à pouvoir rentrer dans le centre de la roue, là, si on veut dire, là. Tout bouge autour, maintenant ça bouge pas, là. Il y a différentes techniques, puis c'est sûr que le yoga, c'est une belle approche. Mais aujourd'hui, juste faire des postures de yoga, il y a des gens qui ont tellement de tension musculaire que pour certaines personnes, pas tout le monde, ça en crée plus. Fait qu'il y a des méthodes qui peuvent être combinées avec le yoga puis avec l'entraînement pour faciliter la détente musculaire puis permettre d'accélérer les processus de régénération puis permettre à la personne de progresser plus vite sur son activité physique, là. Exactement. Mais c'est sûr que le yoga, dans le fond, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup, au niveau historique, de mémoire, là, dans le sens que ça fait des millénaires, là, que ça existe. Ouais. Par contre, bien que ça peut avoir une utilité, moi, je pense que l'essentiel, c'est de ramener ça au discernement individuel, à savoir, OK, est-ce que le yoga, faire tel mouvement, c'est approprié ou non? Donc, la personne. Comme Exactement, tu le disais en exactement. début d'enregistrement, c'est de ramener ça, je pense, essentiellement au ressenti. Qu'est-ce que tu as besoin, toi, là? Exactement. T'as-tu besoin de faire du yoga, oui ou non? Moi, des fois, là, j'ai besoin de faire du yoga, puis des fois, j'ai besoin de sprinter des 400 mètres à toute vitesse, puis de sentir que mon cœur, il va m'exploser dans la tête. Fait que, Mais là, t'es pas un peu excessif, mon cher? Non, non, parce que j'y vais selon qu'est-ce que j'ai de besoin. Puis, moi, je vis très intensément. Je suis un signe de feu. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis des fois, j'ai besoin de faire quelque chose qui va baisser l'énergie, qui va me rendre dans un état de calme. Puis des fois, c'est sprinter, des fois, c'est faire de la musculation, des fois, c'est monter à montagne en course, des fois, c'est aller dans l'eau frette. Mais il n'y a jamais de méthode, il n'y a jamais de. Il y a des principes, des outils, puis avec l'utilisation des principes, on construit avec les outils, mais il n'y a pas de méthode. La méthode, c'est ta méthode, c'est ton chemin, c'est ta voie. Plus ton coffre à outils est plein, plus tu vas pouvoir créativement manifester différentes pratiques, différentes affaires dans ta journée pour améliorer ton énergie puis te mettre à ton plein potentiel. Mais ça, c'est une autre affaire, hein? L'idée de remplir son coffre d'outils, ça revient au principe d'accumuler de la mémoire pour aller chercher de l'autorité, alors que Ouais, quelqu'un mais qui travaille c'est avec pas. l'énergie travaille dans le vide. C'est ça, mais c'est ça. Quand je dis des outils, c'est des outils pour éventuellement plus avoir d'outils. C'est un petit peu paradoxal. Ben, c'est sûr, tout ce qui est en lien avec la conscience, c'est contradictoire. Tu dis, c'est ça, mais c'est pas ça. C'est plein, mais c'est vide. C'est tout, mais c'est rien. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est tout ou c'est rien? Ben non, mais c'est ça, c'est tout ou c'est rien en même temps. C'est l'antithèse. C'est la synthèse. Oui, c'est ça qu'il faut aller au-delà de la forme pour suivre le contenu Les de cette. outils, là, c'est un outil, check bien ça. Mettons là que, je sais pas moi, le gars, là, il a mal au dos, OK? Puis là, je donne un outil, le foam roller, là, puis je dis, fais ça, ça, ça, puis ça. Ben, à un moment donné, là, à force de faire ça, là, si le gars, il est en contact avec lui, puis qu'il se concentre sur ce qu'il fait, il va apprendre que quand il fait quelque chose, ça lui fait du bien, puis quand il fait quelque chose d'autre, ça lui fait pas de bien. Puis là, tranquillement, pas vite, là, ça va peut-être couler tranquillement, pas vite, dans d'autres aspects de la vie. C'est ça, à un moment donné, les outils pour en venir à plus d'outils, c'est que ton seul outil, c'est ta vibration. Quand ton seul outil, c'est ta vibration, mais tu n'as plus besoin d'outils formés, tu es capable d'utiliser les formes à ton avantage pour les faire évoluer, pour les amener plus loin, pour amener les gens plus loin, pour faire développer les choses à partir de maintenant. Et non, ouais, mais on a toujours fait ça de même, puis le yoga, les maîtres, ils ont dit ça, puis il faut faire ça de même, puis décroche, là. C'est plus l'ère des maîtres. Les maîtres, là, il va falloir que l'homme devienne maître de lui-même, là. C'est extrêmement important, là. Oui, exactement, parce que sans ça, on est toujours à la remorque de béquilles, on est toujours à la remorque d'instructeurs puis de gens pour nous dire quoi faire au lieu de développer son autonomie puis son identité propre. Exact. Donc, c'est sûr que l'essentiel pour rentrer en contact avec soi, c'est à quelque part de fondamentalement de s'écouter. Exact. Apprendre l'écoute. Puis l'écoute, c'est d'apprendre à faire une distance avec le monde intérieur, puis le monde extérieur, ou le monde de la pensée, puis le monde matériel, puis etc. D'avoir un vide, d'être capable d'avoir un vide que tu es capable de recevoir l'information, que tu n'es pas pris en. t'es pas pogné là-dedans, là, puis que tu te fais renvoyer toutes sortes d'affaires, là, puis là, c'est genre, je fais ça, je fais ça, je fais ça, puis là, on te demande, on t'arrête, puis on te dit, hey, pourquoi que ta fourchette est là, ça, c'est là, pourquoi toutes ces affaires-là sont. Puis là, tu fais, hey, je sais pas, je me rappelle plus. Il y a une grosse forme d'hypnose, là. C'est de ramener toutes les choses conscientes, Ben, tous quoique les la mouvements. personne qui fait quelque chose consciemment puis elle ne réfléchit pas, est pas dans le mémorial. Fait que ça se peut qu'elle ait oublié ce qu'elle ait dit ou fait il y a quelques instants. Sauf que si la personne pose la question, la réponse, elle vient, même si tu t'en rappelles pas. Oui, est capable de se rattacher à un fil de qu'est-ce qui Parce l'a amené. il y a un courant de l'action. Il y a un courant qui mène l'action. C'est pas l'action qui mène le courant, là. Non, je comprends, c'est que l'action est résultat d'un courant que la personne peut percevoir consciemment Exact. si elle est capable de l'explorer puis de le percevoir. C'est ça. Oui. C'est bien important, en tout cas pour moi, d'avoir étudié l'anatomie, la physiologie, le corps humain, la chimie, puis toutes les sciences là, qui étaient nécessaires pour pouvoir travailler avec le corps humain, d'en venir éventuellement à une synthèse, là, de comprendre fondamentalement que le corps, c'est toujours une polarité, là. C'est yin puis yang, puis t'as trop de yin, t'as trop de yang, t'as un équilibre, il y a un manque de circulation, il y a un manque d'équilibre. Quand tu commences, puis ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que tout ça, autant subtil que ça peut paraître, puis autant pseudo-science que ça peut paraître, ça fait des liens directs avec la science. Tout est connecté avec ça directement. Quand les Chinois puis la médecine chinoise parlent du chi, puis le chi, faire circuler le chi dans le corps, pour les gens, c'est très ésotérique, entendre parler de ça, le chi, c'est quoi ça, le chi? Bien, quand ton corps est détendu, puis tu t'apprends à respirer, puis tu apprends à faire circuler ton sang dans ton corps consciemment, puis tu sens ton sang circuler, bien, ce que tu sens circuler, c'est de la matière, c'est du sang. Et ce sang-là, au niveau subtil, c'est un certain flux d'énergie. Puis plus la personne devient sensible, plus son système nerveux devient aiguisé, bien, plus il est capable de prendre conscience de certaines subtilités de cette circulation-là, de ces sensations-là, puis les utiliser pour optimiser sa qualité de vie, puis la qualité de vie des êtres humains, puis des êtres vivants autour d'elle. Mais c'est-à-dire de percevoir constamment le sang qui circule à travers les veines. Ça peut être une perception, parce que moi je vis pas ça, là. Toi, est-ce que tu as expérimenté ça? Ben oui, c'est si j'en parle, c'est que je vis, là. Je pourrais pas parler de ça si je le vivais pas. C'est avec le yoga puis l'entraînement. Moi, ça fait une décennie que je suis dans ce domaine-là puis que je fais de l'exercice physique puis que je travaille à réaligner ma colonne vertébrale. Puis éventuellement, c'est une sensibilité intérieure qui se développe où ce que quand il y a une tension dans ton corps, tu sais directement et où, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi qu'elle est là, puis c'est quoi qui est la racine du problème, puis tu es capable de le corriger quasiment instantanément. Parce que tu comprends les patterns du corps, comment ils fonctionnent, puis tu as accès à pouvoir justement, quand tu as une douleur, respirer dans ta douleur, puis apprendre à vraiment amener de la circulation sanguine dans cette région-là, puis la faire guérir plus vite. Ça paraît fou, là. Mais heureusement pour nous, on a un merveilleux homme qui s'appelle Wim Hof, qui est un Hollandais qui a des études, des écoles universitaires en Europe qui ont fait des études scientifiques sur lui, puis que pendant longtemps, on croyait qu'on n'était pas capable d'influencer notre système nerveux autonome, puis maintenant, on est capable de l'influencer consciemment. On est capable on est capable de renforcer notre système immunitaire pour empêcher des symptômes d'une bactérie qui, les sujets scientifiquement, s'étaient fait injecter. Toutes les gens qui avaient été entraînés par lui étaient capables de résister les symptômes Attends une de la minute pour bactérie. que les gens puissent nous suivre puis en même temps faire leurs propres recherches suite à Ben oui. l'écoute de l'enregistrement. Est-ce que tu pourrais répéter tranquillement le prénom et le nom de famille de la personne auquel tu fais référence? Puis si tu es capable de les appeler, ça pourrait aider pour que les gens puissent par la suite faire des recherches sur Internet pour en savoir plus. Oui, bien sûr. L'homme en question, c'est Wim Hof. C'est Wim, espace, nom de famille, Hof. Lui, c'est un Hollandais. C'est lui, on l'appelle le Iceman, là. Il est rendu. Ben, si les gens sont un petit peu sur les médias sociaux puis s'intéressent un peu à la conscientisation puis développement du corps physique, il est assez populaire présentement. Puis lui, c'est ça, il a monté l'Everest en short. Il a fait plusieurs records du monde, là. Il court un marathon dans le cercle arctique sans souliers. pendant 5 heures en bedaine dehors. Il a nagé 75 mètres en dessous de 1 mètre épais de glace. T'sais, il a fait des choses assez extrêmes pour prouver aux gens que, pas pour montrer qu'il est bon puis les autres sont pas bons, mais pour me dire aux autres qu'ils ont toute cette potentialité-là en eux s'ils l'entraînent. Lui, il l'a entraîné pendant plusieurs années dans l'ombre. Éventuellement, son fils, il en est venu à vouloir l'amener au jour, puis que les gens le connaissent, puis qu'ils apprennent à le connaître, puis voir à quel point que pas lui, il est extraordinaire, mais que le corps humain, c'est une forme une technologie absolument phénoménale qui mérite qu'on y porte l'attention, puis qu'on la développe de plus en plus, là. Mais à quelque part, parce que j'ai vu que tu t'es corrigé en parlant, d'afficher ça publiquement, il n'y a pas une dimension qui essaie de se prouver ou de convaincre aux gens que quelque part il est bon, puis qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, digne Non, d'un record non, Guinness. non, vraiment pas. C'est un homme humble, un homme dans l'amour puis dans le respect comme j'en ai rarement vu. Puis il n'y a absolument aucun orgueil dans ce qu'il fait. C'est vraiment juste, il accueille des gens chez eux, il les serre dans ses bras. T'sais, il y a une très, très belle vibe, là. Très belle vibe. Puis il inspire énormément de gens. Puis je trouve que ça, c'est le fun quand tu as des gens. Moi, j'aurais pas l'énergie puis le goût d'aller commencer à faire des tests d'études scientifiques puis dire hey, si on peut-tu mesurer ça, on peut-tu tester ça, puis ça coûte de l'argent. Mais lui, il y a des gens qui sont venus le voir puis il croyait pas, puis là, lui a dit check bien, je vais te le prouver, je vais prendre 12 gars, là, puis tu vas leur injecter la bactérie E. coli, là, puis ils n'auront pas de symptômes. Ils n'auront pas de fièvre, ils n'auront pas de nausées, ils n'auront pas de vomissements, ils vont rien avoir. Puis comme de fait, ils ont fait des études scientifiques. Avec des gens qui avaient pratiqué la méthode, puis ceux qui n'avaient pas pratiqué la méthode, puis toutes les doses qui avaient pratiqué la méthode, qui est une méthode extrêmement simple d'exposition au froid, d'étirement, de yoga, puis de respiration, ils en sont venus à pas être capables, pouvoir influencer leur système immunitaire, leur système autonome, produire plus d'adrénaline, coucher dans un lit les yeux fermés que quelqu'un qui se prépare à sauter en bungee. Puis cette énergie-là était capable de combattre la bactérie puis d'empêcher qu'elle rentre en contact avec les organes vitaux. Exactement. Fait que, autrement dit, cet homme-là a la capacité, puis peut l'enseigner aussi à d'autres personnes, de développer des choses sur le plan physique, qui est un petit peu comme des yogas, l'aspect physique, là, une maîtrise Ouais. totale du corps en vue d'une évolution. Mais ça peut être intéressant aussi, parce que le corps, on peut passer sa vie à le développer, mais il y a d'autres aspects aussi, c'est-à-dire la capacité de gérer les émotions, l'aspect intellectuel, Il l'aspect faut, il supramental faut. aussi. Ouais, c'est ça, c'est parce que tu as raison à 100%. C'est que c'est pas un. Le but, c'est pas de développer le corps, c'est de développer le mental. Puis en développant le mental, tu développes le corps. C'est un effet secondaire. Le corps, il devient en shape, puis il devient performant parce que tu développes, puis tu aiguises ton mental. Puis il est à l'image de ce que tu fais. Fait que si tu es un musicien, ben, tu vas devenir un meilleur musicien. Si tu es un gars comme moi qui fait beaucoup de plein air, de natation, qui va se baigner, qui court, qui fait de l'entraînement, ben, je deviens mieux à ce que je fais. Puis l'autre gars qui fait un travail très, mettons, qui fait des enregistrements ou qui va écrire, ou il va être encore plus aiguisé dans ses pratiques. Fait que c'est un amplificateur de. Du Faut potentiel. surtout, comme tu dis, ouais, c'est ça, faut pas travailler, puis faut pas juste se focusser sur le corps, puis mon corps, puis mon corps. À un moment donné, faut que tu comprennes que ton corps, il est à l'image de ton mental. Travaille sur ton mental à travers le corps, parce que des fois, c'est plus concret. C'est plus facile au début de libérer du stress, de la tension physique, puis de sentir la différence entre tendu puis pas tendu, que de sentir la subtilité de tendu puis pas tendu mentalement. Oui, exactement, parce que plus que l'énergie est dense, plus qu'il est facile à percevoir, une énergie physique, une énergie émotionnelle, c'est plus facile à percevoir qu'un ressenti intuitif. Exact, c'est ça. On dirait que c'est plus long en durée. L'intuitif, la communication directe, c'est très rapide. Faut que tu aies beaucoup d'espace, faut qu'il y ait très peu de pensée, puis il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de ressenti, puis beaucoup de sensibilité pour être capable de le recevoir, puis de l'enregistrer. Mais pas de l'enregistrer, mais de pouvoir faire ah, oh, c'est ça, oui, c'est bon. Oui, ben de le capter clairement sans qu'il y ait des interférences, il y a une instabilité émotionnelle. Puis aussi, ben c'est sûr que, comme tu le mentionnais, à travers l'activité physique, la capacité d'encaisser des chocs, parce que quand on fait de l'entraînement puis on soulève des poids et haltères, on est confronté à des chocs, bien, ça peut aider le système nerveux par la suite à être capable de canaliser avec une plus grande qualité, une plus grande précision l'énergie par la suite, là. Exactement. C'est très bénéfique. Exactement. Fait que c'est sûr que c'est des aspects intéressants en lien avec le développement du corps. Mais pour prendre contact avec soi, il peut y avoir aussi d'autres aspects complémentaires à l'aspect Ben, physique. définitivement, parce que la forme d'expression par le corps, c'en est une forme, mais la parole, c'est une autre forme d'expression qui est extrêmement importante à développer. Puis je pense que plus les gens se conscientisent, puis plus ils apprennent à parler, puis à communiquer clairement ce qui est à l'intérieur d'eux, plus ils sont capables de rentrer proche en contact avec d'autres personnes, puis vraiment d'avoir des relations qui sont constructives, puis qui sont nourrissantes. Si la personne n'apprend pas à parler, puis apprend pas à s'exprimer, puis c'est toujours noir et blanc, c'est toujours je dis rien ou j'explose, ben bouger le corps, ça va aider, mais apprendre à communiquer, puis à exprimer par la parole, puis à développer une parole. Qui est très, très ajusté pour être capable de précisément dire à un auditoire qui est très vaste, d'être capable de s'adapter à n'importe quel type d'auditoire, puis de communiquer clairement son intention, puis d'être entendu, puis d'avoir ta présence qui est là, la présence des autres, puis un certain respect de l'environnement, puis les gens te respectent, tu respectes les autres, puis une communication qui est très intelligente, très vibrante. Exactement. Mais c'est ça, c'est qu'il peut y avoir un travail à travers la communication, la parole, à travers l'ajustement qui peut se faire au fil des communications pour amener une parole qui est de plus en plus juste, puis de plus en plus en relation avec la vibration qu'on peut percevoir. Exactement. Et puis, c'est sûr que par rapport à la parole, parce que à quelque part, le corps est communication, donc, on Ouais. dit que l'essentiel de la communication est non verbal. Il y a plusieurs personnes qui disent ça parce que c'est très communicant. La posture physique, la manière que la personne parle, c'est souvent plus communicant que les mots, puis le contenu manifeste que la personne tend à exprimer à travers les formes que sont les mots utilisés dans le langage. Puis ce que je réalise avec le temps, c'est que plus on se rapproche de. Plus on devient sensible, plus on se rapproche du contact avec soi-même, plus on réalise que fondamentalement, la communication, c'est télépathique. On dit beaucoup plus à travers juste notre état de l'un à l'autre que par les mots. Puis souvent, quand on rentre dans un processus de conscientisation, puis qu'on devient de plus en plus sensible, on réalise que des fois, les mots qui sortent de la bouche de quelqu'un d'autre qui te parle sont pas en cohérence avec l'état de l'autre personne. Fait que là, il se crée une certaine forme de dissonance. Puis cette personne-là qui communique avec l'individu, exemple, qui reçoit une parole qui dit X, puis un corps qui dit Y, puis un état émotionnel chargé derrière. Ben, c'est très difficile de rentrer en contact, puis il y a beaucoup de conflits qui sont nés de des situations comme ça. Quand la personne, elle apprend à être en cohérence énergétique, puis que sa parole est pas réfléchie, puis c'est une parole qui est transmise, qui est claire, qui est directe, ben, il y a beaucoup d'énergie qui est gagnée de ça. D'ailleurs, quand que deux individus qui ont accès à une parole comme ça communiquent ensemble, souvent, ces gens-là vont en ressortir extrêmement nourris de la conversation. Très, très dynamisé, contrairement à des relations qui tu parles 5 minutes avec quelqu'un puis tes yeux ferment tout seul quand il est 8 heures le matin, là. Oui, parce que la personne est trop lourde, puis elle nous parasite l'énergie. Dès que quelqu'un communique, comment je vais dire ça? Dès que quelqu'un communique avec une charge émotionnelle, quelqu'un qui communique son émotion consciemment, ça se reçoit très, très bien parce qu'il y a une certaine forme d'ouverture puis il y a de la vulnérabilité. Quelqu'un qui communique quelque chose qui cache une émotion, donc que sa parole, ses formes de la parole sont chargées, c'est extrêmement destructif pour l'individu qui est en avant. Parce que si moi j'ai de la colère, puis elle t'appartient pas la colère à la personne à qui je parle, puis que je te parle, puis je te demande de faire quelque chose, puis il y a de la grosse colère derrière, tu viens de créer une certaine forme de déboulement, là, une espèce d'avalanche intérieure. L'autre personne est affectée, puis là, elle communique avec ça, puis éventuellement, il y a un conflit qui s'installe, puis une espèce une émotion latente derrière qui est jamais adressée, mais qui est toujours la racine même du problème. Puis si on apprend à, les deux individus apprennent à tranquillement, pas vite, mettre leur orgueil de côté, la réalité de l'émotion qui est présente derrière, puis de la regarder, puis de te communiquer, puis de dire, hey, ça vient de où ça? Comment qu'on peut améliorer ça? L'émotion est parlée, est diffusée, puis les deux individus sont allégés d'une certaine un certain parasitage psychique qui les habitait auparavant, dû à un non-dit, ou en anglais on appelle ça elephant in the room. Il y a un éléphant dans la pièce, mais on n'en parle pas. Oui, ben souvent les gens font du déni. Tu sais, on se promène sur la rue, on voit quelqu'un, là, on lui demande comment ça va, on va dire qu'elle va bien, mais des fois le non-verbal n'est pas cohérent avec ce que la personne dit, ou on va au magasin, même chose. Oui, exactement. C'est ça, c'est. Mais il y a une Puis je peux. co ouais, c'est ça, Il y c'est a. parce qu'il y a une convention sociale qui dit que si on demande comment ça va, faut répondre que ça va bien, même si c'est pas vrai. C'est ça, c'est sûr que plus on est identifié à la mémoire de la race, la mémoire de l'humanité, la mémoire de sa famille, de la mémoire de notre ville, de notre culture, de notre équipe de hockey, puis plus on est prisonnier de toutes ces formes-là, ben plus c'est difficile de pouvoir s'exprimer librement pour qui on est réellement. Puis ça demande énormément de courage, puis énormément de pratique, puis il faut jamais abandonner. Je pense que c'est un processus qui est en mouvement depuis plus longtemps que nous, on est sur Terre, puis il faut s'harmoniser le plus possible de ce qu'on est capable avec ce processus-là pour essayer de trouver une certaine paix à l'intérieur de nous autres, puis d'arrêter de parasiter les autres êtres humains. Parce que on est là pour on veut aider, mais nous, étant dévitalisés profondément par notre propre psyché qui est remplie de pollution, on dévitalise les autres en essayant de les aider. Puis finalement, on vient à un point dans notre vie où ce qu'on réalise que on peut pas donner plus que qu'est-ce qu'on est, puis qu'il faut d'abord se recharger en énergie, puis d'abord faire des pratiques qui vont nous aider à être un humain qui est agréable à être autour, qui est pas un puisard là, qui fait pas juste parler, puis pas écouter personne, puis que les gens s'en vont de là puis sont fatigués. Oui, exactement. Par contre, je partirais pas du principe qu'on veut aider parce que c'est pas tout le monde. Quand tu regardes ce qui se passe sur la Terre, il y en a qui veulent pas nécessairement aider les autres, là, si on pense à des gens qui sont pas nécessairement dans ce principe de l'amour. Ben, c'est sûr que ils n'ont pas nécessairement accès à ce principe-là, non, mais je pense pas que autant fou que ça peut avoir l'air, des djihadistes qui se font exploser, je pense qu'ils le font pour quelque chose d'encore plus grand qu'eux, qui est juste malheureusement extrêmement coloré puis influencé par des basses vibrations qui les amènent à suicider puis amener d'autres personnes à la mort avec eux. Mais je pense que fondamentalement, tous les gens à chaque jour travaillent à être heureux, à être au maximum de qu'est-ce qu'ils peuvent être. Moi, je connais aucun humain là, qui se lève pas le matin puis qui se lève le matin puis qui profondément, consciemment, veut être malheureux. Je pense que il a pas les outils, il sait pas comment faire pour être bien. Il fait du mieux qu'il peut, mais je pense que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Je vois pas comment c'est possible pour un être vivant de se lever puis de dire bon, mais aujourd'hui, moi, je pourrais faire 100, mais je vais faire 50. Mais c'est parce qu'il y a des êtres humains qui sont sous influence de forces destructives à leur insu Ouais. qui font en sorte qu'ils vont commettre des actions qui vont leur nuire ou nuire aux autres. C'est ça, mais c'est inconscient. Exact. Mais les gens participent à ça parce qu'ils ne développent pas une volonté individualisée qui leur permettrait justement de conscientiser qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Exactement. Puis c'est Donc, là que les outils deviennent de plus en plus intéressants, tranquillement, pour. Oui, c'est mécanique au début, tu fais des affaires, tu comprends pas trop pour toi, tu expérimentes. Puis à un moment donné, ça devient concret, puis ça s'intègre dans le quotidien. Puis. C'est là que tu es capable d'arrêter ces champs-là de négativité. Ou ce que, exemple, toi, tu es un assistant gérant, puis tu es un gérant, puis ton gérant, il chiale un employé, puis toi, il faut que tu ailles chialer l'employé. Ben, l'individu qui a un système psychique très, très solide, des centres d'énergie il est très centrique, il va être capable de prendre ce que le boss dit, puis le dire à l'employé sans endommager l'employé. Il va être capable de prendre la charge d'énergie du boss en colère, puis pas l'envoyer sur l'autre personne. Il va être capable de dire non. Elle mérite pas ça, je vais lui dire ça intelligemment. Je sais qu'est-ce qu'elle a fait. Oui, elle a pas bien performé telle tâche, mais cette tâche-là, elle la performe bien, puis je vais l'encourager, puis je vais la construire au lieu de la déconstruire. Fait que c'est là que la personne commence à faire un réel changement dans le monde. C'est qu'elle est capable d'absorber la vidange, la poubelle astrale qui est en circulation, qui est négative, qui veut tirer vers le bas, arrêter ça, briser le momentum, puis envoyer ça à l'autre bord. Puis faire éclater, c'est. ces égrégores négatifs-là qui polluent les individus puis qui les rend fatigués. Un guerrier, pour moi, c'est ça. Un guerrier dans une société, quelqu'un qui a un esprit de guerrier, c'est quelqu'un qui se bat pour sa vibration, puis pour l'équilibre, puis pour que les autres autour de lui, ils puissent les inspirer, puis les amener plus loin. T'sais. Si tu es capable d'aller quelque part, ben, puis il y a des gens qui veulent y aller, ben, tu les aides. Si t'as la vibration de faire ça. Ouais, ben oui, c'est ça. Ça sous-entend toujours ça, là. Je le Oui, dis pas à mais chaque fois, là. oui, je sais. C'est moi qui est un petit peu pointu là, là-dessus. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider les autres à aller plus loin. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que dans certains cas, il y a des gens qu'il faut qu'ils pataugent pendant un certain temps dans leurs difficultés pour être prêts à s'ouvrir, à aller plus loin. Parce que tant qu'ils n'ont pas atteint un seuil critique de souffrance, même si on leur présenterait les meilleurs conseils du monde, on leur offrirait les meilleures solutions, les meilleures techniques, les meilleures méthodes d'alimentation, de C'est pour sport, de ça ci, de ça, qu'on ça ne sert à parle. rien. Hein? C'est pour ça qu'on parle, mais on parle pour rien. Ben, c'est-à-dire Parce qu'en qu'on parle pour réalité, il n'y a soi. rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tout est su, tout est connu, tout est déjà en ordre parfait. Tout est un système de perfection en perfectionnement. Fait que, mais on parle pour parler. Puis à travers notre. Ben, attention, on parle pour À soi. On travers est notre. deux Ben. individus qui se parlent. On parle pour soi, puis dans l'échange, il y a une vibration qui est quand même C'est manifestée à ça, travers la on parole. crée. C'est comme si on était en train de peinturer un tableau en ce moment. Il Oui. faut. C'est pas un. Là, écoutez-moi, là, il faut que vous compreniez quelque chose. Il n'y a rien à comprendre. Tu comprendras quand tu auras à comprendre. Puis nous autres, on parle, puis on échange, puis on a du plaisir. Puis je pense que quand on commence à faire les choses dans la joie, puis avec une certaine légèreté, puis arrêter de prendre tout au sérieux, puis de penser que tout est bien sévère, puis bien dangereux, puis bien difficile, commencer à amener un petit peu de légèreté dans sa vie, man, puis de parler, puis d'avoir des conversations ouvertes comme ça, puis de pas avoir peur de dire quelque chose de croche, ou bien que, et d'un coup, que lui, il comprenne pas ça. Ben, c'est ça. Moi, Non, c'est bien correct, ça fera c'est une partie de son bonne expérience. vibe. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est une bonne vibe. Moi, je transmets qu'est-ce que je suis du mieux que je peux à chaque jour. J'essaye de plus en plus vibrer, puis m'améliorer, puis croître, puis évoluer, puis c'est contagieux, des gens qui trippent là-dessus, puis ils veulent bénéficier de ça, puis des gens que ça leur crée, ils aiment pas ça, puis ils sont pas confortables avec moi, puis Oh, ben probablement que ces gens-là, ils ont arrêté d'écouter l'enregistrement à ce stade-ci. c'est correct, c'est bien correct, système de filtration. Exactement. Donc, c'est sûr que les gens qui ne se sentent pas en affinité avec les propos, après quelques instants, ils vont arrêter, ils vont décrocher rapidement. Donc, je prends pour acquis que s'il y a des gens qui écoutent encore présentement, c'est parce que ça les rejoint. Donc, c'est sûr que ces gens-là qui persistent à écouter un enregistrement comme celle-ci, c'est parce que quelque part, ça fait écho à une réalité qu'ils portent en eux. C'est une reconnaissance de quelque chose qu'ils ont déjà. Exactement. Donc, à ce moment-là, nous autres, on est comme des accessoires qui servent dans cette histoire-là à faire écho à un aspect d'eux-mêmes qui est déjà là, qui cherche à, tout simplement à émerger. C'est ça. Puis moi, c'est ça qui m'a libéré vraiment du travail que je fais, c'est que j'ai aucune présomption que je sais plus que les autres, ou que je suis mieux que les autres, ma méthode elle marche, puis les autres méthodes ne marchent pas. Moi, je livre créativement qu'est-ce qui me vient, puis qu'est-ce qui me fait vibrer, puis ça aide du monde, puis il y a des gens que ça aide pas, puis je sais pas quoi dire de plus que ça. C'est sûr que si quelqu'un veut faire beaucoup d'argent aujourd'hui dans un domaine comme ça, il faut qu'il se vende, puis il faut qu'il montre aux autres qu'il est mieux que les autres, puis c'est qu'à un moment donné, tu dépasses ce stade-là, puis tu n'as pas besoin de démontrer que toi, tu es meilleur, puis toi, tu es un bon coach, puis tu n'es pas ça. Il y a des gens qui vont, comme l'enregistrement qu'on fait en ce moment, il y a des gens qui vont l'écouter, puis des gens qui l'écouteront pas, puis c'est parfait. Puis moi, j'ai du respect pour les gens qui l'écoutent, puis des gens qui l'écoutent pas. Exactement, Ça parce change rien. que c'est ça, parce que après tout, quelqu'un qui cherche trop à vendre, c'est parce qu'il y a trop un grand désir au niveau de l'orgueil de vouloir s'accaparer de l'attention d'autrui. Tu sais, il est dans Exactement, l'aspect de convaincre, puis ça gruge beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui est beaucoup dans la vente, puis cherche à convaincre en proportion, il se fait gruger lui-même beaucoup d'énergie, parce que ça en demande beaucoup. Alors que si la personne fait juste exposer, puis dire ce qu'elle a à dire, ben, elle est plus libre dans son mouvement et moins en perte d'énergie. oui. Exact. Donc, autrement dit, si on n'est pas. Ben, de toute façon, moi, je vends rien là, présentement. Fait que si on est dans un rapport qui est quand même dégagé par rapport aux gens qui écoutent, ben, ça enlève un stress qu'on peut se mettre sur les épaules. Et C'est puis. sûr, exact. Mais il y a avoir peur de se faire vendre quelque chose, puis à être prêt à entendre des choses que tu peux plus ne plus entendre. T'sais, quand tu prends conscience d'un aspect de ton être, tu peux pas oublier là, que tu viens de le vivre. C'est comme c'est omniprésent. Là. Quand tu prends conscience que tu as de la colère en toi, puis que c'est à cause de telle affaire quand tu étais jeune, tu peux pas l'oublier. Il faut que ça soit transmuté, il faut que ça soit vécu, là, il faut que ça soit processé. Ben, idéalement, c'est que ça soit intégré, mais il y a des gens qui peuvent prendre conscience d'aspects d'eux-mêmes puis en faire du déni. C'est d'ailleurs un mécanisme de défense dans le domaine de la psychologie pour garder une émotion souffrante à distance parce que la personne n'est pas capable de l'assumer consciemment, donc elle va la refouler. Ouais, mais l'énergie, là, c'est comme une rivière, là, en furie, ça va pas. Ça se refoule, oui, mais à un moment donné, ça explose. Oui, ben c'est pour ça que l'énergie va continuer le travail d'une manière souterraine au sein de Va l'individu. amener Ouais. la personne en initiation de plus en plus difficile pour qu'elle se réveille. Exactement, parce que plus que la personne ne veut pas entendre, plus que ça va y prendre en proportion un choc énergétique qui va être fort pour la forcer à entendre ce qu'elle ne veut pas entendre depuis longtemps. Exactement. Plus on commence tôt, plus facile, ben pas plus facile, mais si un enfant est élevé tranquillement, pas vite, dans un aspect que oui, il va vivre de l'opposition dans sa vie, oui, il va vivre des événements de choc, mais qu'il y a toujours ce qu'il a besoin pour faire face, s'il le fait consciemment, puis qu'il se concentre, puis qu'il passe à travers en prenant les décisions les plus intelligentes possibles pour lui, il va toujours pouvoir évoluer tranquillement, pas vite, puis vivre ce qu'il a à vivre, puis être capable. Ça ne veut pas dire que ça va être facile ce que tu vis. Il y a des affaires, il y a des gens qui vivent des vies absolument phénoménalement épouvantables, mais ils ont ça à vivre, puis il y en a qui le vivent avec grande grâce, puis il y a des gens qui le vivent avec énormément de résistance, puis de conflit, puis ils partent avec un sentiment de regret aussi. Tu sais. C'est ça qui est dommage. Quelqu'un qui vit sa vie à plein, puis qui fait face à tout ce qu'il a à faire face, puis qui. Il meurt sur ses pieds, il meurt en paix, là. Ben, c'est-à-dire que c'est ça, il y a une plus grande satisfaction de sa vie parce qu'il est en équilibre par rapport à son existence. La personne n'est pas dans des regrets et elle ne vit pas en fonction de mémoire non intégrée du passé. Non, elle s'émancipe pleinement. Exactement. Donc, c'est sûr que d'être capable d'être libre de formes mémorielles non intégrées du passé, de souffrance, puis d'être vraiment stable dans le mental, puis d'être dans le vide mental aussi. C'est ce qui permet à la personne d'être en phase avec l'énergie de la vie plutôt que de faire interférence au mouvement naturel de la vie qui implique justement là, la cessation du fonctionnement du corps physique là, qui peut survenir. Exactement, puis malheureusement, perdre conscience, puis être obligé de recommencer le travail, ben de repartir le travail où ce qui était fini. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent se réincarner pour des fins de compléter un processus d'évolution qui avait été entamé dans une vie antérieure. Mais là, ça, c'est un autre sujet qui pourrait nous Ah amener extrêmement loin là, dans l'occulte, bien entendu. ouais. Moi, écoute, ça a été un plaisir de te parler. Il va falloir que je te laisse parce que j'ai des clients demain, puis il faut que j'aille me coucher, là. Oui, bien Mais entendu. Donc, c'était un plaisir. nous autres, on va parler jusqu'à 3 h du matin, Ah, puis mais ça n'a pas de avoir un fin, petit peu ces capté, là. communications-là. Je fais des blagues. Donc, c'est sûr que ça a été un plaisir de partager. Et en terminant, est-ce que tu peux, Olivier, rappeler les coordonnées auxquelles les gens peuvent te rejoindre, là, donc ton site Internet, entre autres, là? Vous pouvez me rejoindre au www.olivier-poulain.com. Ensuite de ça, vous pouvez me contacter par email à opoulain.pt@commercialgmail.com. Puis au cas, si c'est nécessaire, dans la vidéo, on mettra les informations dans le bas de la page là, pour que les gens puissent y avoir accès. Oui, bien entendu, je vais les rajouter avec une courte description en bas de cet enregistrement que vous écoutez. Alors donc, ça a été un plaisir de discuter avec toi, Olivier. Et Même puis, chose. excellent. Donc, on peut se dire à ce moment-là, donc, à bientôt. À bientôt.